En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 10 de la saison 2014-2015 de la soirée du podcast. L'alignement de départ pour le match de ce soir, le numéro 75, JF Crombe, le numéro 24, Mart Vero et le numéro 31, JF Mallette. Yeah! Bonsoir messieurs, gros désavantage numérique ce soir, on est juste trois. Puis commençons le show d'ailleurs en disant félicitations à deux membres de la soirée du podcast, Alex et Dave, qui sont pas là ce soir parce qu'ils sont devenus papa Alex pour la deuxième fois. Fait que félicitations les gars! Félicitations yes, boys! Good job! C'est pas des raisons de manquer le show là, tu sais. Un peu de sommeil en moins là. Jeff? C'est bon, ça commence bien. Ouais, puis le troisième membre qui est pas là, Alex Crompe, n'est pas là pour des raisons médicales. C'est un petit virus. Ben, c'est ça. On espère que le virus est pas trop méchant ou mauvais. Ça fera pas de nous aujourd'hui un podcast moins agressif et ça c'est sûr. Parce que JF est quand même là, fait qu'on est correct à ce niveau-là sur oui, effectivement. L'agressivité. On devrait avoir encore. Il est déjà en tabarnak, on le prépare depuis tantôt. Ah ouais, c'est une semaine que je suis prêt. On l'a sorti de la cage tantôt. Le monde te prime beaucoup sur Twitter, je trouve. Ben oui, aussi. Je vous call out le monde sur Twitter. Calmez-vous, Inan, Steve. Après ça, nous autres, il faut qu'on le contrôle. Ouais, c'est ça, nous autres. Là, c'est rendu que j'engueule mes collègues de travail, Steve. Avec un gros doigt ou ouais, à job. Va me chercher un café. Alors, ce soir, JF boit une bonne alchimiste en l'honneur de Paulo Coelho. Ouais, c'est très bon. Puis voilà. Mart, tu bois de la McCoy? McCoy. C'est pas un chanteur, c'est un real McCoy. Je sais pas, je pense que c'est un Irlandais. Hey, moi, m'a-t-il le dire, là, on s'en calisse. Et voilà. Okay, voilà. Ouais, mais c'est pas, c'était du rap, ça. Real McCoy, ben non, c'était du dance. Ah, ok. Hey, sur ces. On va faire l'avant-match, là. Alors, hey, on serait plus subtil que ça quand même, là, tu sais. Ah, les gens qui nous voient en vidéo peuvent comprendre, les autres, ben tant pis pour vous. commençons ça avec les positions du pot de la soirée du podcast. C'est toujours très glorieux, encore une fois. Alors, en cinquième position, Yann Dupuis. En quatrième position, Samuel Lachaine. En troisième position, JB Gagné. Deuxième position, Steve Fortier. Et en première position, Jacques Germain. Pour ce qui est de la soirée du podcast, oui, Jeff? On peut échanger un joueur ce mois-ci. Ah oui, alors mois de mars, allez faire votre échange que vous avez pas droit. Oublié. Ouais. On peut échanger un joueur. N'oubliez pas que les points ne sont pas transférables. Vous m'aviez parlé quand j'étais là. Ouais, c'est ça, je savais pas moi. Sérieusement, je savais pas. Mais quel genre de pot tu fais toi que les points sont transférables? Tu fais juste prendre le monde qui ont le plus de points puis tu vas finir par gagner tout le temps? C'est, ou ben non, mais égal, c'est, ouais, mais c'est valable pour tout le monde. Ouais. T'sais, je veux dire, la personne qui a 100 points d'avance sur toi, si lui aussi fait un move pour avancer, tu sais, je veux dire, si tout le monde est à armes égales, là, si tu fais ça, c'est pas juste pour c'est la première moi, fois que j'entends parler d'un pool de même. Là. Ben, nous autres, c'est de même, là. Mais je pense que c'est aussi courant. Ça se peut, ça se peut. Dans le type de pool de même que tu fais, admettons, ben, écoute, je sais pas, j'en fais pas beaucoup de pool, là, tant que ça. J'ai le mien, mon pool de gang, là, que je fais, là, avec ma gang. Mes bons vieux amis du bahut. Non, mais c'est ça. Puis nous autres, on trade des joueurs là, entre nous autres, là, carrément. Ah, là, c'est le fun, ça. Ouais, c'est le fun. Ouais, nous autres, parce qu'il est comme plus réglementé un peu. Notre c'est ça. Il est plus comme pool de bureau, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est un pool prédéfini un peu avec des règles prédéfinies. Ben, pool de bureau, mais de gang. Mais un peu de style. Mais pas de gang. De bureau, tu sais. Mais de gang. Ouais, c'est cool. Fait qu'allez faire votre échange pour le mois de mars. Le mois de mars, Chris. Pour ce qui est de nos positions désastreuses, 14e position, moi-même, JF Crompe. 17e position, Mart Vero. 19e position, JF Mallette. Bizarrement, les trois plus hauts de la soirée du podcast sont là ce soir. Les autres sont pas là. Ah. Je sais pas pourquoi. 24e position, Alex Crompe. 34e position, Dave Thibodeau et Alex Galipo, 37e. Chris, tabarnak. Alex a baissé. Ouais, Alex s'occupe plus de son pool, je sais pas. Beaucoup de suppose, là. Faites des mauvais choix ou des blessures. Ben, du monde qui sont blessés. c'est lui qui est mis en plus. T'as juste à faire des bons choix, man. OK, fuck you, man. Hostie. Fait que prochain point dans l'avant-match, j'ai un point ici qui ça s'appelle Jeff chez le therapist. Fait qu'on voulait passer de JF chez le rapiste là, ce soir pour ben écoute, connaître un peu la source de ton agressivité. T'écoutes-tu bien du rap, toi, JF, ou des ouais. films bien violents, là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'étais un fan de Tarantino pour commencer. Puis j'aime bien gros le gore des films. Tu sais, pour moi, des petits films d'action général, là, ça passe pas. C'est pas du que tu te pompes toute la semaine, là, puis t'arrives ça, puis t'exploses. Qu'est-ce qui se passe? Là? Non, je pète à l'occasion dans mon chambre. Sinon, je me pompe pas pantin. Non, non, j'aime bien ça défoule, si tu veux. Là, je joue beaucoup à Grand Theft Auto à maison. Je sais pas pourquoi, mais j'aime ça poignarder des mascottes. Tabarnak. Fait que, avis à tout le monde, si vous voyez Jeff passer proche d'une école ou n'importe quoi. Des jeux vidéo, attention. Ah, ok. Ben non, Chris, ben ça a peur, Rusty. Ouais, au secondaire, tu m'as pas frappé quand j'ai fait la mascotte de Nez Rouge. Ouais. Non, hey, t'as fait la mascotte. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es chargé ton gun, par exemple, hein, ici, là? Non, non, okay, non. Il est dans mon char. Il est dans mon char. Ça, c'est juste en cas que quelqu'un me klaxonne. OK, c'est bon. Parce que road rage à jamais deux personnes. Bon, encore une fois, là, comme après chaque podcast, on a des commentaires, là, comme quoi on est peut-être trop violent là, ou trop dans les commentaires qui dépassent les bornes, qui doivent être censurés. D'ailleurs, JF, la première censure de l'histoire de la soirée du podcast. D'ailleurs, ce soir... Ben oui, c'est sûr, il a dit « l'asti... » Ce soir, épisode 10 de la saison, mais 30e épisode de la soirée du podcast au total. Ouais. On est dans un milestone, on approche du 50. Là. On est 3 pour la 30e, c'est quand même assez... Puis Jeff, le numéro 31, est-ce que c'est un signe? Particulier. Je ne croirais pas. Non. Fait que moi... Ouais, il y a le numéro 31 parce qu'il est bandé Price. Et voilà. Entre autres. Fait que ben, les gens qui nous font des commentaires sur notre contenu, ben, c'est ce que j'ai à leur dire. Qui mange la merde, tabarnak! Fait qu'on a renouvelé nos effets sonores de Gilles Proulx aujourd'hui. Check. Sacré Gilles. Ah oh ouais, un drink pour Gilles. Oh oui. Ah ouais, ouais. Bonne petite sip pour Gilles. Un bon petit drink, là. Puis un petit rot et tout. Bon. Alors, prochain point à l'ordre du jour de l'avant-match. Oui. Là, il y a eu la période des transactions qui se sont terminées. Ah, la fameuse période des transactions. C'est plus la période des rumeurs de fous. Les rumeurs de journalistes qui disent n'importe quoi. Ah, puis, là, vers la fin de la période, en fait, là, les journalistes ont commencé à faire des jokes. Là. Certains journalistes faisaient des jokes qui servaient absolument à rien. Genre, le gars, il dit « Ah, j'ai vu Bergevin passer avec une omelette. Le DG a faim. » Ouais. Je vais prendre le doigt en ce moment. OK, les journalistes, là, vous êtes pas des humoristes, tabarnak. Arrête, faites votre job. Vos gueules, vous êtes pas drôles. C'était pas lui. C'était juste un petit, comme ça, rapide. Là. Petit call-out rapide. Non, c'est ça. C'était quand c'est journaliste humoriste, là. Ah, c'est capable. Non, puis le pire dans tout ça, je pense. Y a-tu quelqu'un qui a écouté l'émission spéciale à TVA Sport des échanges? Non. Moi non plus. Non. J'ai écouté aucune émission. Oui, tape un peu. J'ai mis sur mon ordinateur à job l'émission d'RDS qui joue en background parce que c'est la première que j'ai pensé, là. Moi, j'ai suivi ça sur Twitter. Puis, j'ai été témoin de plusieurs commentaires complètement ridicules. Ouais. Puis il y a même à un moment donné des lamas qui sont rentrés en studio à TSM. Puis il y avait un chanteur country qui chantait parce qu'il y avait peut-être un trade aux 2 heures. Ta gueule, ils ont vraiment fait rentrer des lamas à cause de l'affaire aux États. Qu'il y a eu 2 lamas qui sont sauvés. Ah, c'est à cause de ça. Ouais, il y a eu une nouvelle aux États. Je me demandais c'était quoi le style lien. Je comprenais rien, moi. Là. C'est parce qu'il y a eu. Cette semaine, il y a eu 2 affaires que j'étais plus capable sur le net. La style de robe bleue et noire ou blanche et or, là. Ça, c'était à faire. Puis l'autre affaire, c'était comme il y avait 2 lamons et tout qui se promenaient, puis ça a fait les manchettes comme si c'était la fin du monde. Ben ils en ont parlé partout, ils l'ont spiné autant qu'ils pouvaient. Puis... Des lamas, mais ils se promenaient où, ils calissent de lamas? Dans la rue, là. Ils se promenaient là, ben tranquille sur un terrain, puis ils marchaient aux États dans la rue. Là, puis... Quand l'air du monde crachait dans la face des autres. Le gars qui l'a pogné, il était debout dans un pick-up, puis il l'a pogné au lasso. C'était okay, vraiment cowboy. Mais ça, au Texas, ça, c'est tout dans Montana, dans genre, point, je sais là, pas quoi. Je sais pas exactement c'était où, là, mais... Tabarnak! Il l'a-tu genre flippé sur le dos, tu sais, là, tu rap, là, comme non, non, il l'a juste... c'est gros, gros. Là-bas. Il aurait pu te cracher dans la face, en plus, là. Alors, tu fais cracher puis ruer en même temps, là. Oh, oui, en avant puis en arrière, tu sais. Tu finis cracher... ça avec une bouse. Une bouse sur la tête. Pow, 2 slugs. Et puis, voilà. Ben voilà, c'est, bon. C'est le volet la mort. De toute façon, on va revenir sur les échanges en 2e et 3e période. Là, on a beaucoup de trucs à parler par rapport à ça. Bon, dernier point que j'aimerais amener. On a maintenant, gracieuseté de notre fan Mathieu Gilna, un drinking game la soirée du podcast. Lui ouais, a appelé. Il... d'affaires pour mourir. Non, mais lui a appelé ça. Il appelait ça être coma éthylique avec la soirée du podcast. Ok, c'est ça. Okay, ouais. Lui, il a mis des shots de fort là-dedans parce qu'il veut vraiment qu'on soit coma. Moi, je vous suggère de remplacer les shots de bière par une gorgée de bière. Les shots de fort par une gorgée de bière. Puis je pense que ça peut être jouable pendant notre podcast. Ce drinking game-là, j'ai de l'air déjà chaud. fait que je vous le dis ici comme ça, le drinking game, en fait. Alors, prenez un shot ou une gorgée lorsque Bergevin fait un rave, Alex Galipo fait un bruit quand JF Mallette parle, ou un call-out sur les dents jaunes de François Gagnon. Des choses qui peuvent arriver très assez fréquemment. Deux shots ou deux gorgées lorsque ça jase de Probert. Bon, Martella, ça risque d'arriver. J'ai son numéro en plus, fait que c'est correct. S'il y a un call-out sur Théodore, quand Michel Therrien respire fort dans le micro, Lars Eller sexuel dans les négatifs ou Brunet mange mon pain. On voit qu'il nous écoute beaucoup. Là. Tu prends trois shots ou trois gorgées. Si Michel Therrien donne une explication random, Paulo Coelho ou Paulo Coudo. Le GF a déjà des gorgées de but. Ah, et puis, Simalette, Call Out, TVA Sport ou Dave lâche un rot. Des choses qui sont fréquentes. Puis tu vides ta bière si Chantal et les pénis. Mar traverse une ou plusieurs bières. Mallette calotte n'importe qui. On s'en calisse, puis qui mange la marde. Jusqu'à maintenant, tu commences à te réchauffer juste avec la... Juste avec ouais, le préambule. Avec l'avant-match, vous ouais. devriez déjà être une bonne aire d'aller pour votre soirée du podcast. Pour voguer sur le reste du podcast. Fait que merci beaucoup, Mathieu Gélina. Ouais. Suivez-le sur Twitter, il fait plein de memes sur nous autres en plus. C'est vraiment cool à recevoir tout ça. Ouais, alors, c'était cool, la petite présentation, le board, là, puis tout ça, là, comment ouais. c'est fait. Là, ouais, vraiment, là, c'était bien, allez voir ça. C'est sur notre Facebook. Fait que, on va commencer la partie. Alors, pour commencer la partie... Oui, Jean-François. Allons-y avec nos plus et nos moins des dernières games. Là. Comme ça, là, à brûle pour point. À brûle pour point. À la voix comme je te pousse. Ben oui, vas-y, je pousse une autre expression. Mon plus, va faire ça simple, je ne sois à piquer sous Ben. Oh! Piqué Souban, il est bon. Puis, il a remonté la façon qu'il fallait qu'il soit. Le nombre de minutes qu'il a joué. Ben là, son temps de glace diminue un peu là, aussi. Il est moins taxé qu'il était avant, je pense. Là. Ouais, hier, il a joué 33 minutes. Hier, 33 minutes. Ouais, finalement, j'ai rien dit. Non, là, ouais. C'est qu'avant. Non, mais il a augmenté hein, depuis le mois de à peu près février. Ah, ben, même avant ça, le retour des fêtes, là, il a commencé progressivement à avoir plus de temps de glace. Puis là, il y a un temps de glace de gars. Un temps de glace. Un temps de glace. De gars qui gagne 9 millions. Puis. Ben, il y a le temps d'une superstar. Là. Exact. Exact. Il se comporte comme ça. Puis on n'a pas de complexe avec ce gars-là. Puis il représente bien la brigade défensive. Ben, il représente. Mais bien. Là, tu sais, il tente de se placer. Puis il devient le piqué qu'on connaît. Puis qu'on souhaite. C'est ça. Puis on n'a rien vu encore. Mais c'est quoi la différence avec le début de la saison? C'est-tu vraiment, comme on dit, est-ce que son montant de son salaire, le montant à droite au début? Ou c'est peut-être une distraction qui est arrivée, mais je pense que c'est plus ajusté parce que les équipes ne veulent pas. Quand il y a un gars comme Piqué Souban, tu le checkes puis tu te colles le nez dessus. Là. Fait que d'après moi, il s'est ajusté puis il a comme peut-être pris un peu plus de maturité aussi, je trouve. Mais en même temps, il a-tu voulu trop en faire? Ben, genre en se disant, ouais, je suis payé 9 millions, faut que je performe, fait que je vais en donner vraiment trop. Ce qui s'est passé, on le sait. Moi, je pense, parce que le talent, le potentiel, il est là. Je veux dire. Tous les outils sont là, il l'a fait. Il l'a fait auparavant, les autres années antérieures. Là, puis, je veux dire, il montrait les autres années, dans le fond, là, la dernière saison, c'était beaucoup mieux qu'est-ce qu'il avait fait que qu'est-ce qu'on avait vu en première moitié de saison. Oh. Puis là, ben, gars, là, il nous montre son véritable potentiel, puis son talent. Son talent commence à émerger vraiment fort, puis. C'est ça qu'on attendait, puis là, il a éclaté, puis là, il est correct. Là, c'est ça, j'aime son sérieux, parce que vraiment, quand il est dedans, surtout si tu viens des playoffs l'année passée, ouais. Là, ce gars-là, il mangeait... Ouais, c'était une bougie d'allumage. Non, vraiment. Là. Autant dans les médias aussi, il faisait des déclarations quand il avait dit à Boston. Là. Ah ouais, ben qu'est-ce qui est arrivé comme incident? C'est quoi? Ah, il avait hâte de... Oui, oui, il dit, j'avais hâte des éliminés. De taire la foule. Non, mais c'est parce que les fans de Boston avaient fait des commentaires hyper racistes, type soirée du podcast sur Twitter. Envers Souban. Ouais. Ah, puis des commentaires que ça, je n'endose pas. Je le prends pas. Non. C'est à cause d'eux qu'on est de même. Ben, c'est à cause d'eux et de Jean Perron. Boston nous a pavé la voie. Ben voilà. Ben, ouais. Faut faire attention à ben, ce qu'on dit. C'est ça. Fait que... Ben, j'en profite pour sur le cas de Souban pour dire que Souban a été la deuxième étoile de la semaine cette semaine dans la Ligue nationale. Fait que c'est un bon plus. Là. Puis il y a même un sujet qui est arrivé cette semaine. Les journalistes commençaient à parler de Souban puis mettaient le mot « Norris » dans la même phrase. Oh! Moi, personnellement, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop tôt de parler de ça parce que Shea Weber, il a été constant du début à la fin. Là, mais est-ce que Souban mériterait d'être considéré pour le « Norris » ben, je pense que... Bien, je crois que... Non, mais je pense que Souban est tout le temps... Il a le potentiel, je pense, pour être tout le temps dans la course puis pour plusieurs années encore. Cette année, écoute, c'est sûr que chez Weber, c'est une machine, là. Il y aurait encore quelques défenseurs. Il fait partie de l'élite, par exemple, là, les défenseurs de la Ligue. Il faudrait que je check de quoi tantôt, là, mais ça se peut que Subban soit le meilleur marqueur défenseur à la date dans la Ligue. C'est possible. Ça se peut, ouais. Parce qu'il y a un défenseur qui s'est blessé. Je pense que c'est Mark Giordano. Puis il était à 2 points d'avance sur Subban. D'après moi, Subban, il y a combien de points? Je vais te dire ça, mon cher. Parce que, il y a beaucoup de blessures ces temps-ci. Et les gars, là, à Nashville, là, il y a aussi, là, tout ça, il me semble que c'est à 40 points, 46 points, sti. Puis je rajoute un sti avec ça. Là. Pendant que Jeff cherche Roman, à... ça, Roman, il y a aussi? Ouais. Il est dans le top 3, en tout cas. Il a 46 points, lui, il me semble. Puis Weber, il a 48, je pense. Puis ah ouais, donc, calice. Pendant que Jeff cherche les stats... Puis qu'on est sur le cas des Bruins. Avez-vous vu hier Rask se faire scorer puis s'en aller au banc? Ben, tabarnak! Si, okay, ben, t'as-tu vu le but? C'est dégueulasse. Puis il est vraiment parti tout de suite après comme calice. Ah ouais. C'est pour ça que Julien a fait son petite déclaration de... Pensez-vous que Julien finit l'année? Hein? Malgré son contrat de 3 ans? Ben, non. Écoute, ça serait dur à dire parce que c'est quand c'était, je pense, au mois de novembre, le fils du propriétaire, il a callé out l'organisation, en voulant dire, si on fait pas les séries, il y a des têtes qui vont tomber. Ah ouais. Fait que d'après moi. D'habitude, quand tu commences à changer, mettons, soit le. Que ce soit DG, tu sais, c'est le président, mettons, qui parle, là. Quand tu commences à parler de changer ton DG et tout ça, d'habitude, le coach suit, là, dans le lot, là. Ah. D'habitude, tu changes un peu le bundle au complet. Ouais, là. Ouais, c'est. Un repas sans l'autre. Puis là, c'est qui, là, qui est DG là-bas? C'est. Comment il s'appelle? C'est Peter Chiarelli. Ouais, c'est ça. Chiarelli, puis c'est le président, c'est Cam Neely. Ah, on nous dit dans la chatroom, Jasmin nous dit que Eric Carlson est le premier et Piqué est deuxième en ce moment. Ah ouais. Eric Carlson, je pensais même pas qu'il était dans la course. Là, pour les buts ou pour les points? Je sais pas, ça doit être les points. Ah, Carlson, lui, c'est sûr, asti, là. Ouais. Lui, c'est une machine offensive, là, assez extraordinaire. Ben, je vais donner mon plus, moi, tout d'abord, pendant que j'ai cherché. Ah, ben vas-y. Je vais donner mon plus, moi aussi, à Subban. C'était mon plus cette semaine, là. Puis même si on n'a pas le droit de me donner à Price aussi un peu, là, parce qu'il a été dans les 3 étoiles de la semaine avant Price, lui. Ouais. Malgré ses games difficiles dans l'Ouest, là, mais c'est pas juste lui le problème dans l'Ouest, ouais, c'est tout le team, ça. Là, si on prend en paix tantôt. Ouais, fait que Subban, bravo. J'aime bien ça. Jeff, j'aime ce que je vois. J'ai constaté qu'on avait le même choix. Ça, c'est des choses qui arrivent. Ben oui. Puis en passant, Carlson, il a 49 points. Puis Subban, ça va venir. C'est juste que l'application Google, ça va pas de la mort. C'est très un excellent moment de podcast. Okay, c'est quoi les points finalement? 49 points pour Carlson. Subban doit pas être bien loin. C'est pour les points. Jasmin dans le chat nous dit que c'est pour les points. Qui est premier et que Subban est deuxième. Donc, il ne doit pas être très loin. Merci, Jasmin, je pense. Oui. Ouais. Merci, Jasmin Bolduc. Fier membre de Young Media qu'on appelle pour des projets puis qu'on ne nourrit pas et on paye pas non plus. T'es un bénévole. Ouais, un vrai de vrai bénévole, il mange nos restes. Hein. Ok, ben vas-y donc, JF, t'as-tu un plus cette semaine? Oui, j'en aurais deux, je dirais. Ah, t'as le droit. Je commencerai par Brandon Gallagher parce que ce gars-là, il est vraiment là, le type de joueur que j'aime bien gros. Il est tout le temps impliqué dans les jeux importants. Il est devant le net, il salit le nez, il est baveux, puis en plus, il produit. Ouais. Puis je pense qu'il y a comme eu une ascension de Gallagher quand que Michel Therrien a décidé de le remettre avec Pacioretty puis Desharnais. Surtout ben ouais. Hier, là, dans le fond, quand j'écoute la game à la radio, là, ce que je retiens le plus, c'est le nombre de fois que le nom est prononcé. Ça veut dire que le gars est impliqué. Puis Gallagher, là, à toutes les fois qu'il était sur la glace, là, il était impliqué. Fait que là-dessus, ouais. Là, chapeau à Gallagher. Il est jeune, il vient de signer un contrat de 6 ans. Fait que d'après moi, là, d'insérer ce gars-là pourrait être très important. J'ai comme l'impression qu'il va être notre prochain Pépé Lemieux. Oh. Ah ben, c'est lui qui prend ce rôle-là, assurément, là, ouais. Le plus, là. Ah ouais. Ben, meilleur, je dirais même, là. C'est ça. Ben, meilleur. Oui, côté talent, peut-être, mais en série, là, le mieux, c'est un King. Gallagher, lui, il est juste plus petit, mais il a pas peur pantoute, puis il est bon. Il est moins foutu de marde. Il est moins foutu de marde que... Parce que Gallagher, tu l'as remarqué, là, quand il va dans le trafic, mais quand il se fait tasser du net, là, tu sais, il discute un peu, mais il est pas du genre... Il est pas baveur, je pense pas qu'il est du genre, tu sais, style Sean Avery, là, tu sais. Non, non, ben non, il est pas baveur. Le mieux, lui, t'as de même. Lui, c'était un tabarnak, là. Non, c'est ça. Lui, c'était genre à dire qu'à ta femme, il l'avait fourré à veille, là, tu sais. C'est ça. L'autre, c'est juste son sourire fendant qui fait chier les autres joueurs. Ouais. Puis, écoute, il y a mettre dedans en plus. Fait que c'est rare, tu vois Gallagher à venir avec les gants en face au fond. Ouais, non, lui, non, là, à venir au cou puis essayer de. Il s'est rarement battu, je pense. Ben non, c'est ça. C'est pas sa game, puis il sait. Il dose bien son niveau de... Puis... Et souvent, le ref arrive, puis il se tasse tout seul, là. Mais il fait juste comme charger le net tout le temps pendant le jeu. Malgré le fait aussi qu'il va rusher le net, c'est pas un Chris Kreider non plus. Il va pas essayer de blesser le goaler. Ou, il essaie non, pas ben, de quoi que, tu sais... Ben, il rush le net, mais il rentre pas dans le goaler. Il est assez agressif sur le net, pareil. T'sais, il fonce au filet, c'est ce que Therrien veut avoir, puis c'est ça qu'il fait. Donc, La différence, c'est que Gallagher, il est plus du genre à se faire pousser par les defs dans le net un peu, parce qu'il essaie de le tasser tout le temps. Ça dérange. Tandis que Kreider, lui, Chris, il avait plongé deux patins en face, là, tu sais, là. Ouais. Il y a une glissade, là, tu sais, là, dans Price, là, puis les deux skates les patins en premier, direct, là, dans les genoux, là, tu sais, là, regarde. C'est ça, t'as le gars qui a de la classe, puis t'as le trou de cul qui porte le chandail bleu, fait que... C'est de manger une merde, là, que tout le monde y aurait tronçonné deux jarrets, là. Ton deuxième plus, GF. Tom Gilbert, surprenant. Au tabarnak! Je m'explique pourquoi. Ouais, surprenant. Depuis que Gonchar s'est blessé, c'est lui qui a hérité du poste à Gnaton-Beaulieu. Puis tout le monde s'inquiétait pour voir si Beaulieu garderait la même cadence depuis son retour dans la Ligue nationale. Finalement, Beaulieu, il n'a pas changé son style. Il avance, il commence à être meilleur. Puis même Gilbert s'est rendu qu'il prend l'exemple de Beaulieu. Ben, c'est vrai que Gilbert, c'est lui qui explique le système de jeu à Petrie en ce moment. On en parlait tantôt, là, mais... Je savais pas, mais j'ai là-dessus... ça aujourd'hui, là. Tabarnak, on n'est pas sorti. On n'est pas sorti de l'auberge. Non, mais je sais pas si vous avez vu le but de Gilbert hier. Là, il t'a fait tout un jeu. Il a coupé le net au centre. Oh oui. C'est vraiment surprenant. Puis même moi, personnellement, je pense que je continuerai avec Beaulieu puis Gilbert. Puis je mettrais Petrie avec Yemlin quand il va revenir au jeu. Je pense que Gonchar, on pourrait le tasser parce que, ne veut pas, à 40 ans, il a perdu 2 semaines d'activité. Il a plus d'angle dans son stylo. Là. C'est sûr que Gonchar... Malgré les bons services qu'il nous a rendus. Dans le cas de Gonchar... Dans le cas de René... Non, mais c'est sûr que dans le cas de Gonchar, pour solliciter un certain Bergevin... Non, c'était rien qu'il avait dit ça. Ouais, dans le cas de René... Ah ouais, c'est ça. J'allais pas, malheureusement, j'ai changé mes sons de soundboard puis je l'ai pas pris dans encore. Dans le cas de René... Dans le cas de René... ça sonne pareil, je trouve. Bon, encore d'autres infos complémentaires. Jasmine nous dit que Piqué est 6e au niveau des buts. Puis on a Hockeyman dans le chat qui nous dit que Subban et Carlson sont égalités avec 49 points, accompagnés de Chris Letang. Alors voilà, c'était pour les stats. La seule différence, c'est que Chris Letang est fait en peau de pénis. Il va sûrement se blesser de sa fin de l'année. Il n'y a pas été mardu, lui. Ben lui, il vient de loin en crise là, avec son affaire. Là. Il a failli péter au vrai. Ah ouais, il a fait un ACV. Solide, là. Après ça, il s'est blessé 3 fois cette année. Il a manqué une semaine. Ah, mais tu sais, Jeff, tu sais ce qu'on dit hein, quand tu fais un ACV? Le temps arrange les choses. Et voilà. Et voilà! je me serais mis un drum roll si j'en avais un. Alors, allons-y pour nos moins de la période entre les podcasts. Oh boy. Oh, yes. J'essaye fort, là. C'est optimiste, mon gars, là. Le temps arrange les choses. Ouais, Chris Le temps arrange les choses. Alors voilà. Ouais, les moins. Mar, GF, quelqu'un. Ah, les moins. Parce que moi, ça se peut que je me fâche. Oh. Ah, ça pas de fâcher à soir, asti, là. Ah non, sérieux, là. Regarde, je vais y aller. Vas-y. Moi, toi, GF. Écoute, prenez votre gorgée de bière parce que moi, c'est encore l'harceleur. Asti qui me fait chier. Puis là, cette semaine, là, j'ai analysé quelque chose de bien important dans le jeu de Lars Eller, c'est son langage non-verbal. Puis je m'explique. Sur Instagram, il montrait les joueurs du Canadien descendre de l'avion. Fait que tu vois mon Carey Price qui sort de l'avion confiant, tout ça. La graine à l'air. Le shaft au vent. Quasiment ça. Puis là, après ça, tu voyais Thomas Plekanec avec sa caisse de lait. Puis son caisse de bière. Non, lui, c'est sûr, c'est du lait, Plekanec. Ah ouais, mais en tout cas, bref. Un sac de jupe. Les gars, t'es vraiment confiant. Après ça, tu vois, tu mettrais une toune de Caillou en arrière. Tu vois mon Lars Eller, est-ce qu'il se promène? Il sait même pas, genre, il faut qu'il check les marches pour être sûr qu'elle manque pas une en descendant de l'avion. Puis en plus, regarde le caméraman, puis son toupette fly dans le vent. Ce gars-là, là, il manque tellement de confiance, c'est-à-dire que quand il se regarde dans le miroir, là, il sait même pas si c'est lui qui regarde. Y aurais-tu marché avec cette toune-là en arrière? Quasiment. Ben là, faut rentrer d'une part, sortir d'une autre, puis se croiser, puis pas se pogner. Puis je sais que le monde commence à dire « Ah, Eller joue bien dans les 2 derniers games. On a-tu gagné 2 derniers games? » Non. Ben, presque, là. Ouais, mais là, on pourrait blâmer ben du monde. Là. On va en blâmer tantôt, ben du monde. Oh, ben, ouais. Je regardais les buts qu'il y a eu. En tout cas. Puis j'ai regardé la game de samedi passé contre Toronto. Puis vraiment, là, oui, il y a des bonnes statistiques avec la possession de la rondelle, Lars Eller. Il est gros, fait qu'il garde le puck. Même que je pense que le monde, ils disent, bah, pas besoin de foncer dessus. Savez-vous pourquoi? Parce que il quand va se planter lui-même. Ben, quand il fait une passe, il y a un manque. Quand il dégage, esti, c'est tout de suite une interception. Ça fait dur en crise. Il appelle la rondelle, esti. Moi, j'ai peur de voir ce qu'il va faire avec. Le gars, il n'a pas été échangé, premièrement, parce qu'il n'y a personne qui veut de tout ça. Puis deuxièmement, esti, là, le monde, c'est comme une seconde chance. Une seconde chance, Chris? J'ai même pas assez de doigts dans mes mains pour savoir combien de chances qu'il y a eu depuis qu'il est à Montréal. Ce gars-là, il est fini. Puis s'il y a un DG qui va mettre la main sur ce gars-là, mettons cet été, ce qui est mon souhait, mais vraiment, là, puis moi je pense que j'en ai un en tête, un DG qui serait prêt à mettre la main dessus, parce que quand il y a un imbécile. Pas Bruce Boudreau. Non, Yarmo Kekäläinen, le gars qui l'a repêché, puis je m'explique pourquoi. Le gars, dans même en une semaine, il était cherché David Clarkson puis René Bourque-Esti. Il aurait pu faire un taux de chapeau avec Lars Eller. Fait que ma prédiction, c'est Lars Eller s'en va à Columbus. Tu sonnes même. Ou l'équipe qui a pris. Comment comment il s'appelle? Lui, il est passé à Toronto, là. Le Finlandais. Ah, Jokinen. Jokinen. Hey, il est parti où, Jokinen? Il est parti à Saint-Louis. Sacrement. T'as-tu vu la game Toronto contre Montréal? Il était assis sur le banc pendant le warm-up. Ah ouais. Wow. T'as-tu vu ça? Ça fait dur. Il était assis, tout le monde est sur le warm-up, puis il était assis sur le banc, puis il bougeait pas de là. Il était prêt à texter son agent, et « Trade me right fucking now ». Ah, mais il savait qu'il était en transition là-bas. Là. C'est sûr, il se donnait pas la peine. Il était comme « Gars, je veux pas me blesser, là ». Mais bref, Lars Eller, là, tabarnak, le gars, il n'y a rien à faire, gars. Là. Ah, non, Lars Eller, là, c'est classé, là, gars. Là, il crisse, ben, même moi, c'est mon moins cette semaine. Puis, je veux dire, je l'ai observé dans les dernières games pour me dire, est-ce qu'on est dur avec lui ou est-ce qu'on le spot trop? Calisse qu'il est mauvais. On n'est pas assez dur avec. C'est vrai, sérieux, lui, il fait jamais rien. Il bench pas souvent. Sérieusement, il ne fouette pas. C'est ça que je comprends pas. Comment ça qu'il s'en va jamais dans les stands? Comment ça qu'il s'en va jamais? Comment ça qu'il joue jamais avec des roteux, lui? Ça va venir à un moment donné. Avec les joueurs qu'on est cherchés, ça va y aller. Dans les playoffs, là, regarde, à un moment donné, il finit les âges. Tu penses que toi, Flynn puis Mitchell, ça va... Ben, on va leur donner une chance, là, aussi, parce qu'ils connaissent pas le système de jeu. Ouais, on va en parler tantôt du système de jeu. C'est sûr, mais tu sais, je pense pas que c'est ce genre de joueur-là qui va kicker leur Seller tant que ça. Ben, il est fini, leur Seller. À date, j'aime bien mieux avoir un gars comme Weiss. Il a quel âge, leur Seller? Il a 25-26. Calvaire. Il y a un problème entre les deux oreilles, là. Soit de la confiance ou pas quoi. Là. Il a déjà eu des bonnes saisons avec Montréal. Oui, il est mais capable en ce, de jouer en ce moment, là. C'est entre les deux oreilles. Ça, je te dis, c'est la confiance qu'il a plus. Là, mais tu sais, Price, il a déjà eu un petit trouble de confiance aussi dans sa vie. Puis du bord de la mythe, il était poche en tabarnak. C'est ça, mais Price, il était le même. Puis Lars Eller, c'est le même. Après ça, il tombe. Après ça, il monte un petit peu. Ouais, Price était le même quand ils ont changé de trainer. Je veux dire, il faisait pitié en calice avant, là, des bouts, là. Tu sais, là, à Montréal, là, il y a bien, je te dirais qu'il y a pas mal tout le monde qui l'adule présentement. C'était les premiers à vouloir le trader, là, dans le temps. Ils disaient, Chris, c'est changé. Les haters de Price sont pas mal cachés. Sans être un hater, il y a même du monde qui était pas hater, qui disait, tabarnak, rien à faire avec ce gars-là. Il a tout le temps la tête entre les deux jambes. Oui, il y a un gros potentiel, mais il a tant que entre les deux jambes. Il était jeune, il s'est placé. Il n'a même pas été quasiment en Ligue américaine. Puis, quand la Ligue américaine, il a gagné le trophée Calder en 30 games. Fait qu'à un moment donné, il fallait être patient avec Price. Fallait être patient, mais tu sais, à Montréal, comment est-ce que c'est, hein? Ben, regarde. Quand il y a quelqu'un qui est pas bon de saison, tu fais, fuck, est-ce qu'il est pas bon, gars? Mais Lars Eller, ça fait 5 années de suite, est-ce qu'il est pas bon? C'est ça. Ben, non, il y a eu quand même des pas si mal saisons. Tu sais, si, là, il y aurait de quoi de pas pire dans son jeu, je pense qu'il resterait au centre. Là, il crisse à l'aile. Jacob Delarose, 19 ans, il a joué 10 games, puis il a tassé Eller, qui a eu 5 ans, est-ce pour se placer à Montréal. Fait que Eller, esti, ta gueule, fuck you, esti, puis reste chez vous, tabarnak. Blesse-toi, si je te croise dans la rue, c'est clair, je te rentre dedans, je vais rendre service à la population. Les menaces de mort commencent. Avec ton char, tu rentres dedans. Ben oui, c'est sûr. OK, c'est bon. Marc, ton moins pour la période. Mon moins, ben c'est sûr que Lars Eller, t'es un bon candidat, mais une cible trop facile. Mais t'avais de le barrer dans les moins. Il n'y a rien à voir, écoute. On l'a barré dans les plus price. C'est qui le Eller de la semaine, tu sais? Le Eller de la semaine, c'est Simon. Moi, je suis même... Alors... Non, pour vrai, je sais même pas ce serait quoi mon moins. Mon moins, c'est... Le voyage dans l'Ouest, Calis. Ah, je sais. Sérieusement, là, un moins, Chris. Je sais pas. Je sais pas partout. Je sais pas. Je dirais que ça serait comme... Je sais pas, j'ai pas de moins. Sérieusement, alors, Mart, ça signe d'un moins cette semaine. J'ai pas de moins. Parce que ça serait Eller, mais Eller, c'est trop facile de bâcher dessus. Puis on vient déjà de bâcher dessus pendant 5 minutes. Ouais, puis j'ai un petit semi-moins à faire à PA Paranto qui a fait de la propagande aux journalistes aujourd'hui en voulant dire: je suis à 100%, je suis prêt, je peux jouer. si le coach veut pas que tu joues, là, il y a peut-être une bonne raison aussi, mon ami. Hein? On va te faire couper les cheveux. Ouais. Ça aurait été dit. Il y a une grosse face, P.A. Parenteau. OK. Fait que, c'est ça. Hey, Parenteau, arrête donc de manger deux poutines, hot chicken bacon, esti. Pras, que c'est qui calisse, lui? Je pense que ça serait ça mon moins Pour être un bon moins Pras. Vas-y, esti, on voulait te primer, justement. Ben, c'est pas besoin de me primer, esti, là. Prost, là, tabarnak. Voilà. C'est qui calisse. Je sais pas, il est plus long. Calisse à rien, esti. Voilà. Calisse à rien, c'est juste ça. Pas plus à dire. Calisse à rien, mange ton esti de poutine, pis that's it, là. Fait qu'avant que la période se termine... Non, ça se terminera pas de même. Ben non, mais il reste encore... J'ai pas fini, calisse. Une minute et demie, mais je vais passer le résumé des matchs tout de suite qu'on a fait dans les derniers... dans les deux dernières semaines. Alors, on a joué contre Columbus, une belle victoire de 3-1. Après ça, on a joué contre les Blues de Saint-Louis, victoire de 5-2. On a rejoué contre Columbus, une autre victoire de 5-2. Après ça, on a défoncé Toronto 4-0. Fierté! C'est-tu qui fait le casseau des poches? Ah. C'était effrayant. Ben là, non. C'était effrayant. Là. Il est mauvais en ce moment parce qu'il est d'un esti de contexte d'amarde. Là. C'est un coach killer, ça paraît. Là, un esti. Là. Ouais, mais Ovechkin t'a catégorisé comme un coach killer aussi. Et Ovechkin Kessel, a plus de talent que Phil Kessel. Là. Kessel, il est... Ben, Chris, Ovechkin, il en score... Kessel, il en score quasiment autant que lui. Hein. Pas cette année. Pas cette année. C'est, mais non, c'est mais cette année que je parle. Ça va mal. Non, Ovechkin, l'année passée, était moins beau aussi à voir. Là. Il est d'un plus cette année. Ovechkin, l'année passée, était moins 30 coques. C'est-tu moi ou Kessel, il est genre un gros un peu, là? Ben, pas mal, ouais. Il y a une grosse face bien dessus. Ça, c'est-tu parce qu'il mange tôt ou c'est parce qu'il chie pas assez? Je sais pas, peut-être qu'il demande à lui, sûrement, parce que moi, je suis pas au courant de sa flore intestinale. Oui, alors, après non, ça, mais il est gros, mais c'est-tu quoi? Il patine en tabarnak, hein? Yes, un gros. Chris, c'est surprenant, il se déplace, hein? C'est vrai. La petite grosse roche, là. Fait qu'après mais il roule en Chris. Après 4 victoires, on a eu 3 défaites. On a joué contre les Sharks de San Jose. Fait que c'est notre voyage dans l'Ouest qui commençait. Défaite de 4-0 contre les Sharks. Hey, je l'ai vu un peu la game contre les Sharks. Ils sont donc bien gros, esti, eux autres, les Sharks. Ben, ils sont gros, puis Anaheim sont gros et tout. Là. Ils sont tous big. Dans l'Ouest, ils sont tous big de même. Big, on les voit pas assez souvent. Là. Ben, ça fait quoi, 3-4 années de suite que l'Ouest gagne la Coupe? Ouais, ça. C'est son bâti, son boulot de main, tandis que dans l'Est, on est comme plus bâti pour avoir des équipes défensives. Je trouve que le. Rapide. On voit pas assez l'Ouest dans la saison, je trouve. Ils font des voyages dans l'Ouest 3-4 games, puis c'est fini après ça. Ah, oh, mais l'Ouest, tu le sais, hein, ça coûte cher. Ça. Ben, du gaz, là. Pis, c'est loin. La peau n'est pas donnée. Là, pis, l'altitude, ah ouais, surtout quand tu vas au Colorado, là, c'est d'enfer. Quasiment, tu souffres d'un masque, entre les chiffres au banc. L'enfer. Après ça, on a joué contre les Ducks, on a perdu 3-1. Et hier, contre les Kings, une défaite de 4-3 en tir de barrage, alors qu'on allait gagner 3-2. Perdu à 30 secondes de la fin, comme le Canadien le fait si bien. Tokarski des nets. Tokarski des nets. Ça me blesse pas. Là. Tokarski, voilà. Écoute. On non, mais Tokarski des nets, par exemple, là, je vais regarder de quoi. Là, juste une légère analyse de même. Là, puis je connais fuck all d'un goaler. Là, mais les trois buts qui s'est fait scorer, les défenseurs de LA étaient toujours. Non, excuse, les attaquants de LA étaient toujours en arrière des défenseurs de Montréal. Montréal, il fallait qu'il fasse un gros crisse de pivot de 180 degrés, puis s'en retourner, puis oh, Chris, il a pogné le puck, puis il l'a collé dedans. Le gars, il est compromis, il est à terre. Même Price, là, tout seul de même, là, peut-être qu'il l'aurait fait avec un asti d'arrêt miraculeux, parce que cette année, genre, il save tout, God, là, tu sais. Mais pour un gars comme Tokarski, c'est impossible à arrêter, là. Il y a deux gros gars postés, un à droite, un à gauche de lui. Et Chris, oublie ça. Là. Il y a un rebound, pack. Tokarski, c'est pas Price pendant. Les défenseurs n'étaient pas là pendant tout. Ils sont pas capables de bouger de là. Ils sont trop gros. Mais ça, dans l'Ouest, là, c'était pas juste les gros. Les monde, trois là. Buts, c'était de même. Tokarski, par contre, je vais te dire qu'il a été dégueulasse en fusillade. Ouais. En fusillade, écoute. Chris, il est canté. Il a les épaules baissées par en avant. Ouais, mais il mesure qu'il y a deux shots à Carter. Les deux gars, les deux shots que j'ai vus de LA, il y a Tokarski a mangé un top corner côté gauche, côté... Gaborik. Ouais. Après ça, top corner en haut de l'épaule, côté droit. Carter. Puis après ça, il s'est fait scorer du blocker, genre... Kopitar, un esti de déplacement, là, comme pas beau. Mais, en contrepartie, on va dire que Quick a été assez dégueulasse aussi. Avec ses tentatives de poke check, carrément dégueulasse, tellement facile à déjouer pour un gars de la NHL. Là. Chris, je dis Quick est un goaler vraiment, vraiment, mais vraiment supérieur. Là. Oh, ouais. Mais Tokarski a quand même réussi à tenir son bout. Puis en première période, il y a eu combien de tirs? Il en a reçu 14 contre je sais pas quoi. Là. Gars, là, la stat, c'était pas belle. Là. Fait que, je comprends, là, c'est pas un grand gardien de but, là, puis tout ça. Puis... Puis je parle autant de la stature physique, tout ça. Mais Chris, faut lui donner un break, là. Il joue pas assez. Fait que c'était le tour des matchs. Il y a quelqu'un sur Facebook qui a commenté notre photo. Donc, on a pris aujourd'hui Instagram, on prend une photo à chaque podcast. Et puis, c'est Yann Dupuis qui est cinquième dans notre pool qui nous dit « Un esti de first line, ça, nous trois. » Fait qu'on fait notre gros possible en ce moment. Bon, fait que avant d'aller en pause, j'ai un extrait savoureux de Michel Therrien qui s'enfarge dans sa langue en parlant. Ça vient du compte YouTube de Balcourbe. Suivez-les, les autres sortent tout le temps. C'est un peu un genre de pornographe. Ils sortent des extraits audio vraiment savoureux de toutes sortes de monde. Mais ce pornographe, justement. Ben, ce pornographe, ça existe plus le show, mais c'est comme. Je pense que des fois, il pose des affaires quand même. Je sais pas ce qui se passe avec le pornographe directement. Ouais. OK. Alors, ben, bonne écoute. Bonne écoute, c'est Michel Therrien avec la langue qui lui fourche. En première période, après ça, c'était un petit peu échevelonné. Comment on dit ça, là, moi? Échevelé. C'était un petit peu... C'est échelonné puis échevelé. Échevelé, je pense que c'est échevé. Échevelonné. Comment on dit ça? Échevelonné. Ah, cet extrait était savoureux. Fait que sur ça, on va aller faire une première entracte et puis on va ouvrir pour la deuxième période. On va parler des échanges de Marc Bergevin des deux dernières semaines. On est retour pour la deuxième période. Hein? Et on va maintenant parler de la période des échanges pour le Canadien de Montréal. Marc Bergevin qui a été très actif cette année. Très actif. Très actif. On va y aller un échange par échange, puis on va commenter tout ça. Puis j'ai des audios de Marc Bergevin aussi qui commentent ses propres échanges. Fait que. Bon, premier échange, puis c'est selon moi le plus important. On a échangé Yeri Sekach contre DSP Devan Smith-Pelly. DSP! Ouais, c'est ça qu'ils utilisent là-bas. Ouais, je sais. Hashtag DSP. On a DSP, puis on a DLR. DLR, de la rose. DLR, DSP. C'est comme des mods, des cassettes au-dessus. DLR, ça ressemble au stuff là, pour enlever là, les barres là, dans la toilette là, attachées. Là, c'est un CLR. CLR clear. CLR. Fait que Yeri qui s'en va au Docks. Ouais. Et DSP Devante qui s'en vient avec nous. Un homme fort un peu, un attaquant de puissance. Un gars qui joue devant le net pas mal. Et un gars qui... Un homme de couleur, là. Moi, je l'appelle la boule de bowling. Un gars qui voit noir de temps en temps. La boule de bowling. Ouais, ben c'est ça qu'il a été décrit comme joueur cette semaine comme par un analyste. Il frappe tout ce qui bouge. Puis hier, il y a eu 8 mises en échec. Ouais, 8 mises en échec. Mais ça fait longtemps que t'as pas vu ça, là. C'est bien. Surtout d'un avant, d'un attaquant. C'est ça. Yamlin, c'est comme habituel dans ses bonnes années. Ouais. Bon, avant de commenter, je pense qu'on pourrait passer au commentaire de Bergevin sur cet échange-là. Ça vient, là. Premièrement, Bergevin s'est fait poser la question par rapport à Yeri Sekach. Ouais. Et ils ont demandé est-ce que tu étais déçu de la performance de Sekach en début de saison. Fait que voici ce que Bergevin a à répondre. Non, pas du tout. Écoute, c'est certain qu'un joueur qui arrive de l'Europe, surtout dans de la glace nord-américaine, il y a un ajustement. Mais pour nous, il n'y avait aucune déception du côté. C'est un très bon joueur de hockey, c'est une bonne personne. Je veux remercier Yeri, il n'a pas été ici longtemps, mais écoute, on a beaucoup de respect pour lui et ses coéquipiers aussi. Alors, encore là, je regarde surtout ce qui arrive ici. C'est un besoin qu'on avait besoin et aussi un besoin qu'Anaheim avait besoin d'un joueur comme ça. Alors, je pense que c'est une bonne échange pour les deux équipes. Ah, c'est Bergevin. Bon, ben, c'est sûr que c'était un besoin qu'on avait besoin. Ah, mais c'était un besoin. J'aime le bout qui rend comme un hommage, là. C'est une très bonne personne. Bon, merci, Yeri. C'est une bonne personne. Bon, il n'a pas été là longtemps, mais c'est une très bonne personne et on le respecte beaucoup. C'est sûr que c'est un joueur avec on avait besoin, mais selon le besoin. En même temps, ça veut tellement dire comme. Je vois un peu ça comme mais gars, Chris, on a vu ce que tu nous donnais, puis fuck you, Aster. Merci, Yeri. Non, mais en tout cas. Puis dans l'autre sens, il commente également. Il parle de Devante Smith-Pelly qui s'en vient. Fait que voici ce qu'il a dit sur Devante. Je pense que c'est une bonne... ce que tu dis, ça a beaucoup d'allure. C'est un joueur peut-être qui est pas aussi flashé, mais c'est un gars qu'on va voir Encore, notre but est encore de faire les séries. On n'a pas encore fait les séries, mais la journée qu'on fait les séries, qu'on rentre dans les séries, on croit que c'est un joueur qui va pouvoir nous aider de ce côté-là. Bon, il c'est sûr. Pas, il est pas là. C'est sûr qu'on va avoir la chance de le voir, mais fermez pas les lumières. Oh! Ouais, parce que il est pas très souriant. Non, c'est ça. Fait que, ben, vous avez pensé quoi de ce trade-là? En fait, moi, j'étais vraiment surpris de l'échange de Sekáč en partant. C'est sûr que, tu sais, on n'arrête pas de le dire à chaque épisode, mais pour avoir un bon joueur, il faut que tu échanges un bon joueur aussi. C'est un bon joueur, Devante? Ben, c'est un... J'ai comme un doute en ce moment. C'est un joueur différent. Mais, on a échangé deux styles de joueurs différents. Là, ouais, totalement. Là, c'est vraiment, ça, puis... C'est pas le même game. Dans le fond, là, ce qui arrive... c'est... Il y a raison d'un côté, parce qu'on avait un besoin grandement. Tu sais, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne vais pas me vanter, là, mais là, un mois, là, je parlais de la production du troisième et quatrième trio. Check-out qui se vend. Ouais, tu te vends de quoi, toi, Chris? Là? Mais dans, notre troisième et quatrième trio faisait extrêmement dur. Ben oui. Puis Devante, là, il va compléter vraiment notre troisième ligne beaucoup plus que ce que Sekáč va faire. Si Sekáč méritait de jouer sa deuxième ligne à la place de Lars Eller, par exemple. En passant, hashtag blame Eller, je veux qu'on... Blame Eller? Ouais. Mais t'as un peu sa deuxième ligne. Ben, pourquoi t'aurais pas essayé Plekanec, Galchenyuk puis Sekáč sa deuxième ligne, par exemple? Ça aurait pu marcher. Ben là, c'est qui tu tasses, là? Tu tasses... Eller? Hein? Sa deuxième ligne, Eller, il a jamais été sa deuxième ligne. Ben oui, il a joué pendant deux semaines sa deuxième ligne, il a rien fait. Ben oui, mais parce que Chris, il a pas d'affaires là. Ben c'est ça, c'est pour ça qu'il est rétrogradé, puis oui, c'est pas sa place. Peu, là. Ben oui, c'est pas sa place. C'est qui d'abord nos dans la depth chart, là? Dans la depth chart, ben dans le fond, c'est la première ligne, là, on s'entend, c'est Pacioretty, Dernay, Gallagher. C'est ça pour de récemment. Sa deuxième ligne, ça a souvent été Eller, Plekanec, puis Gallagher. Puis Galchenyuk, ouais, ça c'est notre top 6 qui bouge sa pas. Sa troisième là. Ligne, c'était De La Rose au centre avec Prost et là, c'est Devante Smith-Pelly qui joue là. Ouais, mais Smith-Pelly est plus réaliste que Yeri. Dans le cas de Yeri, c'est sûr. Yeri, Sekáč, j'avais pas. Il veut avoir, lui, ce gars-là, il voulait avoir un temps de glace de deuxième trio. OK? C'est ça, le Chardin dit, il a-tu vraiment mérité sa deuxième place? Ben, je sais pas, mais c'est parce qu'il n'y a pas de place pour lui. Parce que check, là, les left wing, là. Le fwing? Les neuf wing. Nos alliés gauches, un peu. Là, c'est Galchenyuk, Pacioretty. Galchenyuk joue à droite maintenant. Ouais, il l'a-tu gardé à droite, moi? Il l'a gardé à droite pour donner une chance à Eller de jouer à gauche vu qu'il a de la misère à jouer à droite. Dans le cas de Galchenyuk. OK, mais mettons, OK, on parle là, OK. On parle des vrais positionnements qui a joué le trois quarts de la raison, là, de la saison, OK. c'est left wing, OK. Green wing, OK. Chicken wing. OK, chicken wing. OK, puis Sekáč, là, il prendra pas à place ce style de Gallagher puis de Pacioretty, là. Non, parce que les deux sont sur sa première ligne. Puis Callisley, right wing, asti, là, OK, Ning wing, là, OK. Il prendra pas plus la place de Gallagher, asti. Ben non, ils sont tous sa première ligne, ces gars-là. C'est sûr qu'il prend pas de la place à aucun. Ben c'est justement, fait qu'il y a une place pour lui, sa troisième ligne. Ben sa deuxième ligne, t'aurais-tu vu Eller ou Sekáč? Ben Sekáč avant Eller. Ben c'est ça le problème, il a jamais eu sa chance de jouer sa deuxième ligne. Ben il a pas eu la chance de mon puis la question que je me demande, c'est, il a-tu vraiment mérité d'aller ouais, sa mais pourquoi ligne? Il aurait été sa deuxième ligne? Quoi, t'aurais mis Eller sa deuxième ligne? Anyway, là, c'est quoi le rapport là? Parce que tu sais pas où le mettre, parce que par c'est un centre Eller. C'est un centre Eller, mais De La Rose a pris sa place à la troisième ligne. Oui, pas Chris, ça se dit parce qu'Eller il fait rien, parce que De La Rose c'est un left wing lui. Ben non, De La Rose c'est un joueur de centre. Par définition, il est ailier gauche, je me trompe. Il a été repêché comme étant joueur de centre. Ah ouais? Puis il gagne ses mises au jeu en plus. Il est tagué left wing en tout cas, là, dans NHL. En tout cas, on tagué left wing. C'est ça, ben c'est un joueur de centre naturel. Puis à 10 games, il a remplacé Eller. Fait que bref, Sekáč n'a pas eu sa chance à deuxième ligne vraiment. Mais ouais, la question que je me demande, puis moi je pense qu'il n'a pas vraiment mérité sa chance à deuxième ligne. Parce que ce que j'aime. T'arrêtes, qui sa deuxième, Asti? C'est ça, je me demande. Ben c'est Parenteau. Ben, Whis. Porte-manteau? Oui. Parenteau, Whis. Là, c'est Whis qui joue sa deuxième ligne parce que Eller. J'en donne à fait. Mon père, c'est mon père qui m'a sorti ça. Porte-manteau, là. Hashtag porte-manteau. Là, c'est Galchenyuk, Plekanec, puis Whis qui joue sa deuxième ligne. Fait que c'est sûr, encore là, regarde, Whis, il est pogné là. Bergevin, il n'a pas closé pour aller chercher son top 6 comme on souhaitait tous. Mais sa troisième ligne, Devante Smith-Pelly, va beaucoup plus donner aux Canadiens que Yeri Sekáč. Yeri Sekáč, quand ça commençait à brasser... Sa top 6? C'est sa troisième ligne. J'ai-tu dit top? Ok, ouais, ouais, ok. Non, non, c'est bon, excuse. C'est, okay. C'est peut-être moi qui s'est trompé. C'est ça. Ça bref, au début, Jeff, je vais t'avouer qu'on a tous été sous le cul. Là. On pensait tous que c'était un suicide, ce move-là. Pas mais... moi, pas moi. Ça m'a pas dérangé. Non, non, c'est Kachasti. Il n'a pas été repêché, non, tabarnak. J'ai été surpris. C'est Kach, la seule raison là, qui était à Montréal, ici, là. C'est parce que c'était la seule équipe aussi qui avait donné une clause comme quoi qu'il n'irait pas dans AHL. C'est ça. Mais sa troisième ligne, il est beaucoup moins utile qu'un gars comme Devante Smith-Pelly. Smith-Pelly, on lui donne un petit peu le temps de s'ajuster. Puis ce gars-là, là, est-ce qu'il va être fort sa troisième ligne, Martin? On va l'adorer, toi puis moi, ce gars-là, parce qu'il va se mettre à ramasser tout le monde. Quand j'ai moi, je suis confiant. Là. Tout de suite, quand il a fait le move, je me suis dit, crime, ah, c'est correct, Asti. Il gars, jouait 9 minutes à Anaheim, puis c'est le gars qui a le plus de mises en échec. C'est quand même surprenant là, pour un gars de 22 ans. Ouais. C'est parce qu'il répond pas aux attentes de but, lui, Anaheim. C'est sur le plan de... Anaheim, il savait pas où le mettre. Il mettait sa première ligne, il mettait sa deuxième, sa troisième, sa quatrième. Dans le fond, c'est un jeune qui savait pas quel rôle lui donner. À Montréal, on y a déjà établi un rôle. Tandis que Sekac, c'était un peu la même chose. On voulait lui donner un rôle sa troisième ligne, mais c'est pas un joueur défensif. Il vient compagner à job à Prost, un peu, dans le fond. Devante Smith-Pelly, ben non, parce qu'il joue à droite, fait que c'est les deux ensemble, c'est la même ligne, ça pourrait être... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ça va, ça pourrait brasser, ça, ouais. Ben oui. Ça va brasser, ben c'est parce que lui, il brasse. Ça va brasser. L'affaire, là, c'est que Smith-Pelly, là, c'est juste que lui, là, c'est son conditionnement physique. Là, ouais, puis d'ailleurs, t'as rien j'ai une explication pour ça. Y a-tu un commentaire là-dessus, mon Gilles? Ben en fait, avant que tu passes là-dessus, il y a deux commentaires dans le chatroom. Il y a Hockeyman qui nous donne sa théorie sur l'échange de C4. Il dit que c'est parce que Terrien n'était pas capable de prononcer son ben nom. Ben oui, ben oui. Hiérarchie C4. Non, il s'entendait pas, là. Puis il y a Bav Vomi qui nous dit que Jacob de la Rosa est un left wing. Je confirme qu'il se trompe. Alors voilà. Ben, il nous a envoyé un lien ici. Non, non, left wing, il est tagué left wing. Selon le site du Canadien, il est tagué left wing. Depuis qu'il est à Montréal, il a commencé left wing, une game, parce que Lars Eller était au centre, puis après ça, depuis ce temps-là, il joue toujours. Ouais, mais il jouait à quelle position, lui, dans l'autre ligue qu'il jouait avant? Au centre. Il jouait dans Play Bulldog. Il était tagué joueur de centre, Jacob de la Rose. Ben, tabarnak, ça parle au yob. Cool. Faisons, Jeff, avec tes infos sur la condition physique de Smith-Pelly. Ben, c'est ça. Le Terrien, il avait blâmé la condition physique d'Devante Smith-Pelly à la game contre San Jose. Ouais. Smith-Pelly, il est revenu le lendemain pour expliquer, dans le fond, c'était quoi le problème. Sa glande thyroïde. Pas en tout. Non, non, c'est vraiment... Là, c'est rare. Il y a des gros os. Je vais être sérieux. Là. Ça va être un commentaire très scientifique à ce que je vais dire. Vas-y, Jeff. Et si, moi. Docteur Malette. Smith-Pelly, là... Ouais. Il dit que le système de jeu du Canadien de Montréal, puis je sais pas si le monde l'a remarqué, là, les attaquants sont proches des défenseurs. Fait qu'il faut toujours que tu sois constamment en mouvement pour essayer d'avoir la possession de la rondelle. Faut tout le temps que t'aies les pieds qui bougent. C'est toujours les cinq ensemble. C'est vrai. Les pieds, faut toujours qu'ils bougent. T'as pas le choix. Anaheim, les ailiers, t'as plus tendance à attendre le pas, puis après ça, contrôler les jeux vers la zone offensive. Nous autres, à Montréal, là, c'est tout le temps en moton de 5 qu'on se promène. C'est pour ça qu'on bloque tout le temps la zone au centre, puis qu'on n'a pas beaucoup de buts à louer. Oui, c'est vrai qu'on donne beaucoup de tirs au but, mais bref, c'est-tu vraiment des tirs dangereux? Oui, mais ben, c'est pas grave. Finalement, ce que tu dis, c'est que non, ce que tu racontes, Gilles, dans le non, mais c'est parce que c'est ça. Il faut toujours qu'il bouge. Tabarnak, tu me fais penser à Quentin. Il est constamment en mouvement. Il est constamment en mouvement. Puis Anaheim, il attend que le jeu arrive vers les ailiers. Fait que c'est ça qui fait la différence. Puis Yeri Sekac, son problème, c'est que ce gars-là, il est fuck all à la défense. Fait que c'est sûr que si le jeu se passe dans la zone, le gars, il fait rien. Il sait pas quoi faire pantoute. Un ailier est supposé couvrir le défenseur de l'autre équipe. Le gars, à la place, ce qu'il fait, là, c'est qu'il regarde des instants pour voir c'est quel pitoun qui le regarde jouer. Yeri Sekac, là, c'est une diva. Puis Yeri Sekac aussi, c'est un gars de la KHL qui n'a jamais été repêché. Je vais nommer des joueurs de KHL qui n'ont jamais été repêchés, que à peu près 10 équipes voulaient l'avoir. Nicklas Boonstrom. Stéphane Tokoska. Non, tu te trompes, là, c'est Fabian Brunstrom. Ouais, Fabian, en tout cas, Fabian Larouche, peu importe. Fabian Larouche. Y a-tu un gars de la KHL? Tabarnak! T'as-tu boosté, Calis, les high mid, man? Gâche pas les punches que je joue avec le. Ok, c'est bon, ok. Y a-tu un gars de la KHL? Y a-tu un gars de KHL qui a. Jamais! C'est ça, y a jamais un gars qui a performé quand, dans le fond, il a signé un contrat. Non, il y a tout le temps comme. Le joueur que t'as nommé, là, Fabian Brunstrom, là. Il a rien fait. Ben, Brunstrom, là. OK, lui, là, Chris, il a eu une grosse crise de loterie, puis le monde était prêt à donner comme gros pour lui. Il y avait des équipes qui étaient dessus. Ah, c'était fou, c'est les Stars, je pense, qui l'ont eu. C'est les Stars qui l'ont eu. L'autre, c'est Stéphane D'Acosta, un Français. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chié dans un coin, quoi. Il y avait 10-12 clubs qui voulaient l'avoir. C'est catch la même chose. Hey, les gars, là, quand ils sont pas repêchés, là, du patient guille sous couille en hostie, OK? Oui, puis entre autres, le problème, c'est que dans KHL, la patinoire est beaucoup plus grosse. Tu as beaucoup plus de temps de faire tes petits jeux fancy. Tandis que dans la Ligue nationale de hockey, là, c'est plus serré, puis il faut que tu aies des couilles en tabarnak pour aller en avant. C'est catch, il a du talent avec la rondelle, il a fait des beaux jeux. Ah, mais il était tout le temps sur le bord de la bande, man. Ben oui, mais il dépasse pas le bord de la bande. Non, puis c'est ça, puis il fait. Ça, c'est comme moi, assis dans le creux à la piscine, Chris. tu sais, là, dans le 24 pieds, là. Pis, j'aimerais dire que dans la. On a-tu des commentaires sur ce que Sekatch a dit de Terrien? Non, mais on n'a pas les commentaires, mais moi, j'aimerais dire que dans la dernière séquence de jeu, on a dit Anguille, Soucouille et Patinoire. La patinoire, ça, c'est le lieu où il y a beaucoup de potins. Oh, alors voilà. Mais c'est ça, c'est catch, il a commencé à dire. Il a parlé dans le dos de Terrien. Ah oui, il a dit que c'était un gars qui était comme defense, là, type, tout ça, puis que lui, c'était pas son style de jeu. Puis là, il est parti jouer avec Bruce Boudreau. Ben oui, Bruce Boudreau. Hey, c'est catch, Draj Hubu, mon esti. Hein? C'est un gars-là, Draj Hubu, c'est-à-dire femme ta gueule en tchèque. J'ai checké sur Google. J'ai checké en tchèque, comment dire ça, en tchèque. Tabarnak, il est rendu qu'il étudie le tchèque. Dresh Hubu. Jeff, il fait des call-off multilingues. Dans ta face, Pierre-Houd, je parle plusieurs langues. Ouais, mon Chris, on vient pas de Gladno, nous autres. Yeri Sekatch, j'étais pas professionnel pantoute, ce qu'il a fait là. Il a joué 9 minutes contre nous autres. Puis d'ainsi. Il y a une pause. Une pause. Il y a une pause sur le but vainqueur. Ouais. Sur le game winning goal. Puis ça, une autre affaire, tabarnak. Encore, je vais sortir mon doigt. Non, là. Il crache dessus un peu au moins, esti. T'as pas ça à sec comme ça. Là, mes hosties, là, quand il fait une passe, là, même moi, si je serais ça à la glace puis je fais une passe à Perry, c'est sûr que j'ai un point dans la Ligue nationale. Hey, on peut-tu revenir? Y a-tu compté un but à date en Inde? Il en a même pas marqué un calice. Hey, on dit la même affaire, toi, puis moi, tout, je m'en calice du trade à Sekatch. Ben, c'est ça. Alors, voilà. Moi, je suis en arrière de Bergevin, full pin là-dedans, puis Sekatch, tu quoi? Fuck you, man. C'est pas rien que t'as pas été repêché. Ben, c'est ça, t'es un esti de fatigant. C'est ça, man. Dans le cul de Lara Fabian, calice. Boy. Mais bref, qui mange la merde, tabarnak. Voilà. Pour nos auditeurs qui se demandent est-ce qu'il a fait un bon move, je vous garantis une chose, les amis. Dans les séries éliminatoires, la boule de bowling va faire beaucoup plus que la plume, esti. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, il y a coupe de la rosa. Ah, lui, c'est ça, c'est bon, ça, malade. Puis, sais-tu quoi, dans les séries en plus, là, sais-tu quoi? C'est que c'est là que ça compte. En plus, puis les gars de Glado, ça porte des jeux en série. Oh, oui, c'est... Fait qu'Anaheim va trade. Chris, des petits balles roulées, tabarnak. Vous faites ça pendant que mon frère pas là pour se défendre pendant qu'il était à 7. Non, t'as raison, on va attendre pendant que monsieur se chie le corps. Pendant que monsieur se chie le corps, il était à 7 points de Plekanec de faire 20$, je pense. C'est ça, Alex, man. S'il fait un point par semaine, je suis correct, je pense. Mais mets-toi des petites compresses d'eau froide, là, puis fais-toi une petite mouche de moutarde ce soir. Alors, y a eu d'autres échanges. Ça ne s'est pas terminé là, le magasinage de Bergevin. Bon. Mais c'est le seul échange qu'on a donné des gens, en fait. Là. Bon. Donner des gens. hashtag donner des gens. Un hockey move. On allait chercher Jeff Petrie. En retour d'un choix de repêchage. Hey, on l'a eu, finalement. Un choix de... Je parle comme Bonival. Un choix de repêchage. Non, c'est plus comme... T'es fort de repêchage. Fait que Jeff Petrie contre un choix de repêchage au deuxième tour et un choix conditionnel de cinquième tour. Bon, ça n'a rien coûté. Ça coûte pas grand-chose. Non. Ça coûte pas grand-chose pour aller chercher l'ami de Tom Gilbert. Oui, c'est d'ailleurs Tom Gilbert apparemment qui lui explique le système de jeu du CH. Oh boy. Je reviendrai tantôt sur le système de jeu. On a eu les commentaires de Piqué et de Pacioretty là-dessus. Ben oui. Un autre move de Bergevin ensuite. On est allé chercher Torrey Mitchell. Who the fuck are you? L'attaquant, on a donné l'attaquant Jack Nevins. C'est Torrey Mitchell dans le fond. Torrey Mitchell. Fait qu'on a donné Jack Nevins une sélection au 7e tour en 2016. Jack Nevins, c'est un gars qui jouait sa 8e ligne à Hamilton. Fait qu'on ne s'achète pas avec ligne. Ça. 8e ligne. Et le dernier move, on est allé chercher Brian Flynn, le frère de Pierre Flynn. C'est correct. Si, Chris, il y a autant de points que ses catchs. Brian Flynn. Il jouait ça à 4. Brian Flynn, on est allé chercher contre un choix de 5e ronde en 2016. Fait que ça a été le magasinage de Bergevin. Je vous propose qu'on écoute les commentaires de Bergevin par rapport à toute la période des transactions. On a 4 clips de lui, en fait. On va y aller par question, en fait. Première question qu'on lui a posée, c'est « Va-t-on pour la Coupe cette année? » Une hostie de bonne question. « Va-t-on pour la Coupe? » On va pour la Coupe à chaque année, caler son joueur hockey. Voici ce que Bergevin a à répondre. « J'ai aucune idée où est-ce qu'on va aller. C'est certain que le but, c'est de se rendre le plus loin possible. Alors, encore là, la façon que l'équipe, les premières 61 parties de l'année... Très bien joué. Écoute, où est-ce qu'on est allé aujourd'hui, on est très fiers de l'équipe, mais encore là, on a beaucoup de chemin à faire. Puis moi, je trouve que l'importance dans une équipe vers la fin, c'est de la profondeur. Alors, on ajoute de la profondeur à notre équipe. Puis la compétition à l'interne qui est encore très importante aussi. C'est vide, là. C'est tellement vide. Ah, The Rapist aime ça, la profondeur aussi, je vous le dis tout de suite. Qui ça? The Rapist. Le Rapist. Demandez ça à Lars Eller. Est-ce que le fait d'avoir pas échangé vraiment de joueurs dans le CH cette année, c'est une marque de confiance de Bergevin envers son équipe? Ou... J'ai comme, dans le fond, j'ai bien un commentaire de quelqu'un qui avait expliqué un analyste encore anglophone, je le précise, parce que les francophones, ça va pas de la merde. Le seul analyste anglophone qu'on peut pas citer, c'est Renaud Lavoie. Parce que c'est pas vraiment c'est un vrai anglophone. Ouais, ben, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Ben, non, mais tu sais, si c'est un bon move, Bergevin a toujours dit qu'il touchait pas à sa jeunesse. Non, mais il a gardé l'équipe au complet. Il aura pas le choix de le faire. Ben, ça dépend. Ça dépend faut pour qui. De quoi de gros, vraiment. Là, ça t'sais. Dépend pour qui. Je pense qu'il n'est pas prêt à le faire. Là, on a vu, c'était quoi? Là, il y avait des attaquants qui étaient disponibles. Il n'y avait pas grand d'attaquants disponibles. Non, puis il y a un point qui est important. C'est sûr que je rêvais un top 6, mais il n'y en a pas un Chris qui a été échangé pendant la non. Hey, on parlait de Burley, puis on parlait de il y en a aucun qui est parti. Il n'y a personne qui a été tradé. Il n'y a pas eu de gros trade général dans la ligue. On en parlait en troisième. Ça a été des défenseurs. Puis cette année, c'est une année où ce que les équipes se sont améliorées en profondeur, surtout nous autres à Montréal. Fait que là-dessus, je lève mon chapeau. Ouais, surtout nous autres, mais t'as peu. Surtout Nashville, là. Ouais, bien sûr, on va en parler en troisième. Garder les autres teams pour la troisième. Les Canadiens, là, mais on parlait des échanges tantôt. Là. On avait besoin d'un défenseur qui est capable de jouer 20 minutes à droite. Ouais. Puis Petrie, c'est exactement ça qu'il va pouvoir faire. Même que si Petrie fait un bon travail, je pense qu'il serait un bon ajout pour les années à venir si on signerait comme joueur. On signerait Petrie, là, parce que là, si tu checkes ça dans nos defs qui nous restent, on a une crise de ménage à faire. Là, il est temps de passer le balai. Là. Weaver. Tout ce qui nous Weaver, reste, c'est fini, oublie ben ça. C'est ça, lui, c'est fini. Après ça, il va avoir... Ben, Gonchar, c'est fini. Fait que ouais, déjà là, t'as une porte ouverte. Il reste Yemlin, Gilbert, que je pense que ça fait le bon père. Beaulieu, il va jouer sûrement avec... Ben, moi, je laisserais avec Gilbert, comme je disais tantôt. Après ça, t'aurais Pichu puis Yemlin. Ça fait... Chris, ça fait une pas pire trois paires de défenseurs. Ah, ça, ouais. Hey, Gonchar, au pire, tu peux le garder pour un match sur deux s'il veut. Comme... Il va peut-être prendre sa retraite, mais tu sais, je veux dire, une fois de temps en temps... Non, il va prendre là, sa retraite à la fin de l'année, on le signe pas, on sauve 5 millions. Ouais, c'est ça. Sinon, puis... c'est lui qui va demander des choses. Fait que Bergevin a quand même gardé la totalité ou presque de son équipe. Je pense qu'il a fait un beau rêve. Hier, je me suis couché, puis j'ai eu un rêve. Ouais, mais voilà. Qui c'est tu penses qu'il demandait à toi, tu sais, les autres équipes? Il demandait de la Rose, il demandait Gallagher. Tu sais, le monde demandait Gallagher. Ouais, c'est clair qu'il demandait Gallagher. Tu sais, il demande. C'est ce que le monde prétend, mais. Ben oui, c'est sûr. Qui c'est qu'il y a d'intéressant? Toi, t'es un DG, là. Tu regardes l'équipe de Montréal, là. C'est qui tu regardes comme joueur? C'est sûr, je regarde ces joueurs-là, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, moi, je vais le croire quand il va y avoir un mot qui va se faire, mais. Comment que le gars peut savoir ce que l'autre il propose comme échange quand il n'est même pas dans le bureau? Fait que probablement, les rumeurs de transactions, là, c'est sûr que moi, je vais quand même les poster parce que quand je regarde ça, je ris en dedans de moi. Mais ça vaut pas de la merde, vraiment. Ben non, si on s'en rend compte, le seul joueur qu'on savait qui viendrait à Montréal ou qu'on avait des soupçons qui viendrait à Montréal, c'est Jeff Petrie. Mais qui c'est qui aurait deviné que Brian Flynn et Torrey Mitchell viendraient à Montréal? Mais c'est qui, eux autres? Smith Pelley. T'aurais-tu vraiment pensé que... Personne n'avait callé ça. Jamais. Ben, Torrey Mitchell, c'est un... Dans le fond, c'est un joueur de centre droitier de Saint-Pierre-11 qui est très bon défensivement. Troisième trio, il jouait à Buffalo. Puis... Troisième trio. Troisième trio. Troisième trio, yes. L'alchimiste Paulo Coelho, il est rentré en moi. Hey, Paulo Coelho, ouais. Ça se dit mal ce que j'ai dit là, mais en tout cas. Mais c'est ça, c'est un joueur défensif. Il est rapide en plus, puis en échec avant, il est excellent. Brian Flynn, c'est pareil, puis c'est un gars qui est fort dans les mises au jeu. Fait que Malhotra, malheureusement, il va être tassé. Ben, je pense sûr. Que Brian Flynn pourrait devenir notre quatrième joueur de centre si, bien sûr, il fait une bonne job. Pour Chris, les il est capable de scorer, ce gars-là. Il est RFA à fin de l'année, ben, en mais plus. Lui, je le signe, parce que dans le fond, ce qu'on a vu, c'est que Bergevin, il a cherché à aller approfondir sa troisième puis quatrième ligne. Oui, parce exactement. Qu'on parce que pas, ça faisait fuck all depuis le début de la saison. Avait on avait fait trou, 3 là. Points en 20 games pendant un certain moment. Ouais. Blame Eller. Mais à part de ça, là, vu qu'on s'est amélioré défensivement, là, on a des gars qui sont bons pour garder la rondelle puis être fort en échec avant. Là. Écoute, c'est très bon pour se armer pour les séries rendues là. Puis notre attaquant top 6, on va l'avoir au repêchage parce que c'est sûr et certain qu'on va se faire planter à quatre parts. On va de la misère à chercher les buts qu'on avait besoin. Puis cet été, il y a des équipes qui vont être dans la marde parce que la masse salariale va être encore à peu près au même niveau. Ouais, juste un gros, la masse salariale, nous autres, on est vraiment correct là, pour l'année prochaine. Ouais, parce qu'on s'attendait qu'elle monte peut-être de 2-3 millions. On a 15 encore, millions de lousse. Il faut que tu signes Galchenyuk, il faut que tu re-signes Beaulieu, mais ça ne demandera pas des millions Beaulieu encore tout de suite. Beaulieu, ça va être genre à 2,5 millions, 3 millions. Contre transition. Galchenyuk, je serais curieux de voir que ça va donner, mais d'après moi, on va être capable d'avoir... Galchenyuk va aller à 5 millions. On va peut-être avoir un 8 millions de lousse rendu là. Ça, c'est un avantage que Bergevin a. Puis j'espère qu'il va réussir à faire le move cet été parce qu'il y a des équipes qui vont devoir se débarrasser de joueurs. On parle de Chicago, on parle de Saint-Louis parce que Tarasenko va coûter très cher. Fait que je serais très intéressé de voir ce qu'il va faire d'ici le repêchage parce que c'est sûr et certain que c'est ça qui nous manque. Bergevin, il a fait de quoi? C'est qu'il a amélioré sa profondeur. Puis là, maintenant, ce qui reste, c'est d'améliorer sa deuxième ligne parce que Heller, ouais, sa deuxième ligne, ça ne marchera pas. Ben honnêtement, j'ai rien à dire sur le travail de Bergevin. Ben, cette année, il est assez constant puis il fait une bonne job, Bergevin, je pense, en ce moment avec le Canadien. Là. Par exemple, je check notre ligne de centre. Là. Quand tu regardes ça là, sur papier, là, tu sais, Desharnais, il produit bien avec Pacioretty. Plekanec, c'est un deuxième centre. OK? On s'entend dans la Ligue nationale, Plekanec, malgré que, tu sais, il a une belle production, puis malgré qu'il a sa horde de fans, c'est un deuxième centre. Hein? On va se le dire, dans n'importe quelle bonne équipe de la Ligue nationale. C'est un bon deuxième centre. C'est un excellent deuxième centre. Ben, c'est ça, c'est à peu près, ça s'équivaut ben, de leur façon, Desharnais puis Plekanec. Ben, c'est ça, ils se partagent un peu une. Dans un qui est bon défensivement, puis l'autre qui est comme meilleur offensivement. Là. Oui, oui, il dirait ça. Mais on a un trou dans la ligne de centre, je trouve, pareil. On n'a pas notre premier. On n'a pas notre premier gros centre. On l'a, mais il joue à elle. Ouais. Ah, oh, toi, tu parles de Galchenyuk. Quand il va être prêt et il va être plus mature, ça va être lui notre premier centre. Ben, il est encore jeune. On n'a quand même pas notre gros centre d'expérience en ce moment. Non, un vrai centre naturel, un vrai gros, là. Tu sais, là. Ouais, c'est ça. Ben, costaud, asti. Tu sais, là, un vrai gars. Quand on va l'avoir, là, on pourra vraiment parler sérieusement de finale de la Coupe Stanley. Mais là, pour le moment, je pense pas qu'on va se rendre là parce qu'on n'est pas prêt. Non, mais on risque d'aller quand même loin. Je suis encore cette année, j'ai l'impression. J'aimerais ça qu'on se rende en finale. Un centre, j'aimerais ça, moi, Chris. Tu sais, un, là, que quand il est né, il a dit je vais être centre, moi, maman. Maman! Ben ça, c'est Galchenyuk, mais encore là, c'est parce que tant que tu as Desharnais et Plekanec encore avec l'équipe, Galchenyuk n'a pas de place dans les deux premières lignes parce que Bergevin, mais Therrien ont préféré mettre un gars d'expérience. Ouais. C'est sûr et certain. Non, mais c'est correct, ça marche bien là, de même, là, mais on produit pas beaucoup de buts pareil. Wow. Mais gars, on va essayer de survivre avec ça. Ça va se régler avec le temps. Il va chercher son gros joueur. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'a pas brisé la chimie. Il y a des équipes, des fois, qui font des gros moves puis qui brisent la chimie qui ont déjà. Il y a de quoi de spécial avec ce groupe de monsieur-là? Groupe de monsieur-là. Ouais. Puis. Aïe! Non, c'est vrai! Canadien de Montréal, un beau groupe de monsieur! Il y a des équipes qui font des gros moons en plus! Non, c'est vrai parce que. J'oublie de quoi dire à cause de toi! Quand tu échanges des joueurs, des fois tu peux briser une chimie, ben là, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rejeté des éléments. Puis ça va créer une compétition à l'interne. Tellement. On va vraiment améliorer notre troisième, quatrième ligne. On va avoir quatre trios qui vont pouvoir jouer avec la possession de la rondelle en échec avant. Ça va être très bien. Puis on va gagner des games 2-1, 3-2, des games de même des séries qu'on va faire. Tu sais, la fameuse chimie entre les groupes de monsieur, là, c'est tout le temps important. Ben oui, puis dans cette équipe-là, malheureusement, il y a un gars qui s'appelle Madame Heller qui va se tasser tranquillement. Madame Heller. Oh, franchement. Ah ouais, une belle petite donne aux yeux bleus, elle s'est cruche au bout. OK, fait qu'il me reste trois extraits de Bergevin pour sa période de transaction. Il est bandé Malhotra, lui, en plus. C'est parce que Malhotra, un but, une passe. Il va perdre sa place. Un but, une passe entre les deux derniers podcasts. Là, il était en feu. Hey, son but, il était fou, pareil. Man. Ah, mais il n'y a pas le choix de le scorer. Son but était vraiment beau. Là, mais c'est vraiment un genre de quick release. Ben, quand t'as un gars comme Bernier devant le net, là, n'importe qui peut compter. Tu peux être Mandela, puis ça fera le même job. Tu peux mettre un noir en plâtre. OK, fait que... Deuxième commentaire de Bergevin par rapport aux échanges, on lui a demandé est-ce que le fait d'avoir gardé Heller, c'était un vote de confiance envers lui. Voici sa réponse. C'est certain que Heller, pour moi, écoute, l'an passé dans les séries, tu as vu qu'il a amélioré son rendement. Puis on s'attend à la même chose de lui. C'est un jeune qui veut beaucoup. Certains, des fois, il y a des périodes difficiles, mais à la fin de la journée, c'est un joueur qui prend le succès de son équipe à cœur et je pense qu'il va aller dans la bonne direction. Il traduit tellement au pied de la lettre, là, je veux dire, comment il parle à la fin de la journée. Genre, c'est comme, calice, man. OK, il y a un gars qui disait que Bergevin, quand il est arrivé à Chicago, tu sais, son année recrue ou je sais pas quoi, là. Comme joueur. Ouais. Je me sais plus c'est quel gars qui est trainer, qui est coach aussi aujourd'hui ou qui est comme DG. Ouais. Il disait, il avait de la misère à parler anglais. Il arrive de Chicoutimi, calisse. Il arrive de Jonquière. À ce temps, il a l'air de parler français. C'est un gars de Verdun. Verdun? Non, mais okay, il a joué avec les Saguenay, ouais, je pense. Ouais, il a joué avec les Sag. Ben, il vient de Pointe-Saint-Charles, en fait. Tabarnak! T'as perdu ton français? Ben, il a passé quasiment 20 ans au State, ce gars-là. Non, je comprends, calisse, mais... Chris, Marie... Quand c'est une Verdun, ouais, tu Mario perds. Tremblay, c'est pas un bon exemple, là, mais. Jean Perron. Ouais, ouais. En tout cas, là, il est là, que... Mario Tremblay, en plus, à l'écran, c'est-tu. Hey, Tio, Magno. Hey, voyons. Magno, petit Jésus de plante. C'est... Il y a ton chandail, l'autre là. Qui est troisième question qui a été posée à Bergevin. Ils ont demandé quel message tu envoies avec ton team. En fait, savoir la composition de l'équipe envoie quel message. C'est un peu ça, c'est un peu bidon. Okay, tu... T'as reformule, toi, la question? C'est parce que les hosties journalistes sont pas mikés, fait qu'il faut que je devine, tu sais. Fait que voici la réponse de Bergevin. Le message que j'envoie, c'est que, écoute, on veut faire les séries parce que je me suis levé le matin, puis encore, il n'y a pas la petite croche à côté du Canadien de Montréal. Fait que tout le monde a fait les séries encore. C'est rentrer dans les séries, puis aller le plus loin possible. Puis moi, je crois que, encore la profondeur pour aller loin dans les séries, c'est très important. Fait qu'aujourd'hui, on a ajouté la profondeur et encore là, la compétition interne est très importante. Alors, Michel a toujours été... son message est le même. Si tu performes, tu vas avoir du temps de glace. Sinon, il va y avoir des conséquences. Puis, encore là, je ne veux pas dénier le groupe jusqu'à maintenant. Je suis vraiment fier de notre groupe. Où est-ce qu'on est rendu le 2 mars? Je veux pas dénier le groupe. Il y a comme un break, là. En plus, il y a comme Hardy un bout de phrase qu'il avait dit dans une autre réponse tantôt. Ouais. C'est vraiment bizarre. Non. Il se répète. il est terrible. Ben, il y a une affaire que j'ai ri aussi de Bergevin. Ce gars-là, là, il a fait 8 équipes dans la Ligue nationale. Ouais, genre les Whalers. C'est ouais. Puis pour ceux qui ne le savaient pas, mais Bob Murray, là, c'était son mentor qui a commencé dans la Ligue. Il c'est avec. Bob Murray qui parlait de lui, c'est vrai ça. Il a joué à Chicago avec Bob Murray. Exactement, c'était le gars qui co-chambrait ensemble, dans le fond. Puis Bergevin, il a tellement de contacts dans la Ligue. Le monde, là, ce que j'ai. Le monde l'aime, je pense, dans la Ligue. Ben, c'est il est respecté quand même. Un analyste qui a dit encore anglophone cette semaine, c'est que quand Bergevin il appelle là, sur le portable d'un gars, là, il voit, il dit Hey, c'est Marc. Hey, what's up? Ouais, c'est ça funny, là. C'est contrairement c'est cool, à Pierre Gauthier qui regarde. Avec sa face de plâtre, il faisait comme tabarnak, l'épouvantail, man, appelle. This guy look like he lick homeless guy's ass, motherfucker. C'est ouais, ça. Non, c'est comme tu laisses embarquer sa boîte vocale. Là. C'est ça. Ben, il y a des DG qui sont trop de cul, mais Bergevin, il s'entend bien. Pas mal de monde dans la ligue. En tout cas, il a l'air de bien s'entendre avec Anaheim. Avec Saint-Louis aussi. Il a l'air de bien s'entendre. En tout cas, je vais vous dire une affaire, là. Il a l'air de bien s'entendre avec Anaheim. Anaheim et Saint-Louis. Ouais. Ah, mais Chris, il a fait deux trades aussi avec. Trades. avec eux autres. C'est fait ça. Il est allé chercher. Chris, on les a passés. Faut-il être charmé en style le passé. René Bourque. René. Qui a été tradé, soi-disant, en passant. Ouais, ouais. Il s'en allait au mineur puis il a été tradé. J'aime mieux le move qu'Anaheim a fait avec Bourque que nous autres on a fait avec Bourque. Ouais, Chris, ils ont fait un asti de vol, eux autres. C'est qui sont allés chercher déjà? Wisniewski. Tabarnak! The Wiz! Il est capable de jouer ce gars-là. Ben The oui. Wiz, ben oui. Ben oui il est un asti de garnotte à part de ça. Ben, Chris, il est surtout sur le powerplay. T'as un asti de garnotte, là. Je pense que Bergevin, il en a passé une petite vite avec ses catchs. À voir. Hey, t'es-tu en train de nous dire ça sur le ton de la confiance? C'est-tu des rumeurs? Veux-tu changer de l'écho, Gilles? Ouais, t'as-tu vu ça, Chris, ton fond? Ben, en tout cas, dans les rumeurs, je me suis informé avec mes sources. Okay. Pis C4, j'aimais bien ça, clubé. Oh! Ben oui, mais ça, c'est connu, calice. Pas juste tout le monde le disait, c'ti. Non, ce ben gars-là, lui, il aimait ça, se la faire reluire. Lui, c'était vraiment intense. Il s'est aperçu que c'était le fun en tabarnak, clubé. Parce que Plekanec, quand il allait chez eux, c'était juste des jeux vidéo pis du lait. Pis non. Dans le chat room, il y a Pogo qui nous sort le nom de Louis Leblanc aussi. Dans les trades. Ah, c'est vrai, il a changé Louis Leblanc. Puis ouais. Louis Leblanc a créé ce style. Louis Leblanc. À part sortir avec un gars, Leblanc, il fait rien d'autre. T'as peu, je vais même rajouter là-dessus. Moen. Ouais. T'as cherché Gunchar quand même pour Moen. Puis Gunchar, style, nous donne ouais, quand gars, même. Le gars faisait référence à Naheim. Ok, ouais, je sais, mais je passe un peu du coq à l'âne. Mais c'est correct. Il reste une question de Bergevin qui a répondu. Tu as envoyé chose à Naheim? À Dallas. Moen. Non, mais Leblanc. Leblanc. Oui, contre Delair. OK, mais on s'entend qu'il joue pas à Naheim. Il joue dans le club école. Il joue dans le club école. Il joue pas. Il finit, Leblanc. C'est une balloune. Il joue dans le club école puis il calisse rien. Il va faire plus d'argent comme lui, il faisait une affaire en administration à Harvard. C'est une balloune. Continue là-dessus, man. Fait que... Slap des pocs dans le cave. Dernière question qui a été posée à Bergevin. on lui a demandé, est-ce que tous les trades que tu as fait, les nouveaux joueurs que tu as amenés, est-ce que c'était pour avoir une marge de manœuvre, en fait, d'avoir signé des joueurs qui sont sans contrat à la fin de l'année, sachant pas encore la masse salariale de l'année prochaine? Fait que voici ce que Bergevin va répondre à ça. C'est certain que c'est important. Écoute, c'est certain que... le point que tu amènes est très important, que la masse salariale de l'an prochain, on ne sait pas où ce qu'elle va être. Alors, ça donne plus de jeu pour jouer avec ça quand tu as une option de ne pas ramener un joueur ou de le ramener. C'est certain que dans une situation du mois de mars, c'est plus attrayant, oui. Tito Aour! C'est ce qui va se dire cet été à bien des joueurs du CH, en fait. Ben, ceux qui se prennent le cul. Non, mais c'est un bon move, pareil, d'avoir une latitude comme ça, de pouvoir bouger, ne sachant pas encore le plafond salarial l'année prochaine. Comme tu disais, Jeff, tout à l'heure, il y a bien des équipes qui vont être dans la merde avec le plafond. Ah, Sonnet, Boston, Chicago. Chicago sont avec les deux salaires de Kane et Taze. C'est 10,3 par année. C'est 13. Ouais, 10,3 chaque. Hey. Ça, c'est 20,6 juste pour deux joueurs. Imagine, si la monnaie que le c'est signé, là, c'est 13,8. C'est genre à chaque année. Là. Ouais, c'est intense. Là. Hey, c'est 13,8. Fait que c'est millions. Sûr que dans ces types d'échanges-là, tu n'auras pas le choix de te débarrasser de salaire. Chicago, on parle de Patrick Sharp qui va probablement quitter. Puis à Saint-Louis, moi, je verrais un gars comme TJ aussi. Puis Patrick Berglund qui pourrait quitter aussi parce que d'après moi, Tarasenko, il va demander la lune. Fait que dans le fond, TJ aussi pourrait quitter. Il pourrait quitter aussi. Ouais. Aussi. Ouais. Lui aussi. Lui aussi. Alors voilà. Ok, bon. Avant d'aller faire la deuxième entraque, dernier point. Ça, c'est Jeff qui m'a pointé ça. Il y a eu une entrevue d'après-game avec Piqué Subban et Pacioretty séparément. Puis les journalistes parlaient de l'intégration des nouveaux joueurs au système de jeu de Michel Therrien. OK, puis dis-moi pas, ils disent la même calisse d'affaires. Je te dirais qu'ils disent peut-être pas exactement la même affaire. Fait qu'on écoute les commentaires de Subban en premier. Check bien ça. No, listen, everybody's going through it. I mean, the team on the other side as well, they had some new guys come in the dressing room also. So, can't use that as an excuse. But you know what? I thought the new guys they're learning our system, and there's going to be some growing pains, just like anything else. I mean, when you change scenery, you change teams like that. Especially with our system, it's a little bit different. You know, it's not your standard system with the majority of the teams. We do things a little bit different here, and it's an adjustment. It takes some time, but I thought that they came in and they gave us a good hockey game today. Fait que Subban explique que dans le fond, il y a une période d'ajustement parce que le système de jeu à Montréal est différent, un peu plus compliqué que les autres systèmes de jeu dans la Ligue. Ça va prendre une période d'ajustement. On a posé exactement la même question à Pacioretty après. Voici ce que Pacioretty a à dire. Non, I don't think so. Every top team is dealing with that. You know, these guys made changes as well, so it's everyone's doing that, and our system's fairly simple, so it shouldn't take long for them to hop right in and make a statement. So you know, that's on the players. The system's laid in place, and you know, we got pucks in the net, but we got to find ways to battle and get dirty goals. Fait que Patrick Rizzi dit non, il ne devrait pas avoir bien d'ajustement. Notre système est vraiment simple, ça à Montréal, fait que ça devrait être rapide pour les joueurs de s'ajuster. Fait que Subban puis Patrick Rizzi disent exactement le contraire. Les deux assistants. Subban dit que c'est complexe. Il parle peut-être aussi du côté atmosphère dans la chambre puis du côté. Il parle vraiment du système de jeu de Michel Therrien en ce moment. Ouais, c'est vraiment avec ses systèmes de jeu. Okay. C'est sûr que ça prend un ajustement. C'est sûr certain parce que le système de jeu du Canadien, peu importe. Bon, ok. Fait que dans le fond, la question c'est qui dit vrai. Ben d'après moi, Chris, c'est sûr certain que ça prend du temps. C'est pour qui dit vrai ou pourquoi il y a une différence entre les propos de cette façon-là? Subban trouve ça compliqué. Non, mais c'est parce que Subban, ce qu'il veut dire aussi en même temps, c'est que quand ça fait longtemps que tu joues avec une gang de boys, t'as joué 60 games, puis t'as des gars qui arrivent pour 20 games. Puis là, faut que tu dises là, qu'il y a des pratiques, il n'y en aura plus 50 000, là, c'est-il, là. Ben non, ils n'ont presque pas pratiqué en plus cette semaine. Ils ne pratiquent pas cette semaine. Ils ont pratiqué un petit peu aujourd'hui. Dans le dernier stretch, c'est plus là que tu pratiques le plus. Puis hier, la quatrième ligne n'a presque pas joué. Là, c'était Mitchell et Flynn qui n'ont presque pas joué. T'as rien fait confiance à ces gars. Cool, tu sais, il y a un peu de ça là-dedans aussi. Ça prend d'acheter. Comme, tu sais, les gars, ils n'ont pas le temps que ça de rentrer dans le moule, connaître les autres, puis bing bang, c'est-il, puis tu sais, la cohésion, tout le kit. Je pense que c'est ça qui est difficile. Je pense que c'est plus mettre la cerise sur Sunday qui est c'est difficile ça. Pour ce joueur-là. Pacioretty comprend pas ça, puis peut-être que lui, ça le fait chier. Mais Subban, il est comme. Là-dessus, je dois montrer une chose, c'est que Subban a été plus mature dans sa réponse que Pacioretty l'a été. Je pense vraiment. Ouais. L'avenir nous le dira. J'ai la misère à. Ben, je comprends les deux. Tu sais, je comprends un peu les deux. L'autre, il dit c'est pas une excuse. L'autre, c'est sûr que ça va être plus difficile. Je pencherais plus du côté de Subban. Gars, Chris. L'autre, il est comme, tu sais, c'est sûr l'autre d'arriver d'une autre équipe. Facile. Mais non, c'est parce d'arriver d'une autre équipe, Quand tu es un étranger qui arrive de l'Ouest, faut que tu t'intègres. Tu viens jouer le système de l'Est, qui est différent pas mal. C'est pas le même genre de hockey. Chris, faut que tu t'intègres. Faut que tu dors à l'hôtel. Tabarnak, on va se le dire. Hostie. C'est l'hôtel le problème. C'est l'hôtel. Les puces de lit. Puis je peux-tu dire au monde qui dit que Petrie jouait pour une équipe de perdants, puis là, il s'associe à une équipe de perdants, ça fait trois games de suite, qui sait juste, là. Fermez-vous, Yel. Tabarnak, Drich, ouais, ouais, ouais, pourquoi pas, Steve, man? Je me joins à manette là-dessus. Ouais, ouais. Calice de Yel, man. On peut-tu être patient un peu avec ces gars? Je pense, c'est-tu qu'on peut peut-être qu'il y a la pédale. Chris, le gars, il arrive, il se tape un voyage dans l'Ouest, qu'on prend tout le temps à Anyway dans l'Ouest. Fait que slacker un peu avec Petrie, s'il vous plaît. Le gars, il arrive genre de Edmonton, parce que c'est plate que le Chris. Il n'a pas joué à Montréal encore. Il va à Montréal. Non, il va jouer mardi prochain. Fait que ça va être un bon test pour lui. Check les bains mardi prochain. Check les bains. Ouais, Tampa Bay, vous allez perdre. Oui. Oh. Prédiction. Prédiction. Oh, les bon. Oh, ouais. On va gagner. Check bien ça parce que je me souviens, Subban, là, il a joué une game de cul contre Tampa Bay au Centre Bell. Là, il va en jouer une tabarnak. Ah, Tampa Bay, il a notre numéro, moi, je pense. Ça va changer. Bon, on pourra en parler au prochain podcast. J'espère. J'espère que ça va changer, mais Tampa Bay. Oh la Tampa Bay! Oh là là! Oh là là! Oh, sur ce, on va aller faire les cons! Le con de Tampa Bay! Salut les cons! Salut les cons! Allez vous faire foutre! On avait des auditeurs en Suisse. Qui mangent la marde! Pendant un bout, puis depuis qu'on a commencé à les traiter de cons, ils nous suivent plus. Non, salut les cons! Ben, c'est pas parce qu'on les aimait pas, c'est parce que Chris, fallait bien les insulter un peu. Les Suisses! Des bandes de Weber esti. Tabarnak. Puis à part de ça, le Suisse, là, c'est quoi? C'est un animal, un genre de petit Chris d'écureuil. C'est comme un rongeur. C'est plus beau qu'un écureuil. Ben, ah, je le flatterais dans le sens du poil. Là, ah, ouais. Genre, tuerais un Suisse. Oui. À main nue. Là. À main nue. Ben doucement. Moi, les gars, je m'en calisse. C'est un suicide. Aime les Suisses. Alors, sur les Suisses, on va faire une deuxième entraque puis on va revenir pour la troisième période avec Round the NHL. On est de retour pour la troisième période. Et c'est maintenant le tour de faire le tour. C'est maintenant le temps de faire le tour de la Ligue nationale. Around the NHL. Ouais. La langue m'a fourchue telle Michel Therrien. Tel un con. Tel un con, voilà. Échève le nez. Voilà. Alors, commençons la troisième période de Around the NHL avec les nouvelles en vrac. GF? Commentaire de Ron Wilson. Tu voulais qu'on parle de ça, je pense. Il déteste les Leafs. Oui. T'as-tu le tweet ou les commentaires? Ou Non, en fait, c'est un résumé que j'ai. Vas-y. Le gars est invité pour l'émission spéciale lundi pour la date limite des échanges. Puis il a volé la vedette. Entre autres, un autre style d'émission plate, là. Oui, à TSN avec les Lamas. Fait qu'entre deux Lamas. Entre deux Lamas. Ron Wilson commençait à compter des anecdotes. Et puis, carrément dit « I hate the Leafs ». Il y a I, l'organisation, mais il n'y a pas les joueurs. Il souhaite que les joueurs performent, mais il y a I, l'organisation, puis qu'il souhaite qu'ils parlent. Mais Ron Wilson, il est où, là? Il fait rien. OK, lui, il n'a plus de job. Là. Il n'a plus de job, c'est fini. Il est payé encore parce que Brian Burke avait donné un contrat, je pense, de 3 ans à Ron Wilson, puis le crissé dehors 6 mois après pour faire entrer Randy Carlyle. Fait que le gars, il fait rien. Ben, c'est pas compliqué, gars. Ron Wilson. Qui mange la colisse de merde, c'est. Qui mange la merde, qui a version longue. Puis entre autres, il avait même déclaré, sans nommer d'équipe, ben, tout le monde a deviné c'était qui avait reçu l'ordre de perdre une année. Ah ouais, puis, OK. Le gars, vraiment, ben, je suis pas surpris. Il s'arrange pour pas avoir de job dans la Ligue nationale un jour. C'est des choses que. C'est ça, c'est l'omerta. Tu parles pas. Ben de non, tu parles pas. Non, ben tu. Un peu comme le ref qui a parlé avec le blogueur de Yahoo Sports. Non, mais Sports, tu laves jamais, même quand t'es un joueur, tu t'entends pas avec ton. Famille, tu laves jamais ton législateur des médias parce que ça te nuit après. Drèche au bourre et c'est catch. Hein? C'est catch, c'est ça qu'il a fait avec Therrien. Il a dit un crise de trou de cul. Qu'est-ce que t'as dit avant d'être joueur? Ça dit ta gueule en tchèque, je te l'ai dit tantôt. C'est pas compliqué. Ah, mais là, c'est parce que ça a changé d'accent. C'est Drèche au bourre. Dans le sport, dans vos jobs ou peu importe où, work hard. Work hard and be kind. Tu vois, quand je parle en anglais, là. Ben, c'est work ça, harder. Work out and be. And be blind. Be blind. Work hard and be blind. Ouais, c'est ça. Travaille fort, femme ta gueule, ça, genre. Work out, be bien. Bref. Okay. Ron a parlé vraiment contre l'organisation des livres, qui a été une journée vraiment embarrassante pour eux autres durant la date des échanges. Gars, je pense qu'on peut dire, saison embarrassante, là, avec toutes les jerseys qui ont volé ses patinoires. Ben, on dirait là, que de jour en jour, c'est pire. Hey, quand on a battu les Leafs 4-0 la semaine passée, il y a eu un chandail des Leafs sur la glace du Canadien. Ben oui, Colis, à Montréal. Fou, il y a, là, ça. Il y a eu un chandail pitché au centre. Belle. C'est qui le Colis qui est fan des Leafs qui reste à Montréal, ben, tabarnak? Il y en a plein des tabarnak qui descendent ici pour aller au tâton après, ben, parce que là-bas, c'est trop plate, Chris. Moi, je m'en souviens, je suis allé voir une game de Canadiens Leafs il y a plusieurs années, puis quand on est sorti, à on Toronto, avait perdu oui. à Montréal. À Montréal, puis okay. quand on a perdu, dans le fond, j'étais un petit peu déçu. Là, t'étais voir en tabarnak. Même, genre ça. Fait que le gars, il me demande en anglais, il dit « Hey, where's the nearest bar here in Montreal? » Fait que j'ai comme pointé une direction vraiment. Quand tu l'as envoyé au bistrot à Jojo? Non, non, je l'ai comme éloigné du centre-ville. Puis, tu sais comment? Tu t'es senti comment après? Je me suis senti bien. Dans le fond, je dis, Chris, tu vois, super, ce calice-là. T'as eu le sentiment du devoir accompli? Ben, certainement. J'ai Chris. Ben, les fans de Toronto, c'est des épais, ça. Ben, non, mais. Gars, mon frère, il prend en parler à un moment donné, il dit, allez voir une game Canadien-Toronto à Toronto, puis il se prenait dans la ville de Toronto avec le drapeau du Canadien par sa fenêtre de char, là, comme un esti de malade. Mais ça a l'air que dans les entraques, là. Toronto, personne pisse. Tout le monde regarde Don Cherry sur les écrans. Ah, oh, mon Dieu. C'est silence, puis le monde regarde ça Don Cherry. Ça se pisse tout dessus, esti. Ça se pisse dans les culottes. Ils ont tous des... Ouais, mais ils ont les Maple Leafs sont commencés par des pens, on se le dira. Moi, je suis allé voir une game une fois à Boston, puis c'était pas beau. Puis non, mais une game pas... à les Islanders, c'était pas beau non plus. Le monde, sont tata, stie, là. Sérieusement, là, c'était des hosties. Mais les Islanders, là, les fans là-bas, là, c'était weird. Là. Le peu de fans qu'il y a, ah, c'est sûr, Chris. Il y a plus de fans du Canadien. Oh, tabarnak. J'étais allé à Boston une fois, puis la première chose que j'ai faite, vraiment, c'est que j'ai craché à l'extérieur un Chris de gros morpion. Puis quand je suis rentré cette journée-là, ils donnaient des genres de ballons que tu tapais dessus. Ouais, les bâtons gonflés qui font du bruit. Ça, c'était le lendemain que Théodore s'était fait échanger. Moi, probablement, j'étais sous quand je suis arrivé là. On est dans une loge, puis il y a un gars de Boston qui donne des casquettes des Blues de Boston. Puis là, il arrive pour m'adonner à moi, je dis « I don't need that shit ». Là, je le regarde, je monte ma casquette du Canadien, fait que le gars était comme mal à l'aise. Puis après ça, après la game, on avait gagné naturellement. Puis là, je criais « Go, Habs, go », puis « Olé, olé ». Mais j'étais comme tout seul à le faire. Puis le monde qui était avec moi, il avait peur que je me fasse casser la gueule. Puis à un moment donné, il y avait deux gars des Blues de Boston qui me regardaient. Là. Puis là, j'ai dit « Hey, you guys, you ain't tough enough ». Je pogne les choses qu'on tapait, je les ai crissés dans la bouche, je les ai déchirés, puis je leur ai lancé dessus. Violence. Ah oh, ouais, ça, c'était dans mon jeune temps. Jeff, quand il était fringant. Hey, Jeff. Dans ton prime. Dans mon prime, si on veut. Il n'est jamais trop tard. J'ai toujours dans le temps qu'on l'aurait signé 9 millions par année, esti. Ah non, là, je payais à la bière. Prochain sujet, on est comme dans un segment Twitter. Là. Il y a Dustin Penner qui a fait des jokes de viol sur Twitter. Eh oui, ouais, ça, j'ai pas entendu. C'est GF a des infos sur son iPad, je crois. C'est marqué ça dans mes Est-ce notes. Est-ce que je peux en entendre les jokes, s'il vous plaît? Vas-y, GF, sors-nous les... Je vais te dire ça. Premièrement, Dustin Penner était engagé avec TSN comme genre d'analyste. Là. Un petit peu comme TVA qui engage tout le temps des... Ah, ils font ça TSN ces temps-ci, je trouve. Ils ont perdu des plumes. Ben, Chris, c'est des joueurs analystes, là. L'autre, là, qui fait off the record. Le gars qui fait off the record. Off the record. Comment il s'appelle, là, ce gars-là, déjà? J'ai un blanc, là, mais le gars qui a une peau lisse, comment là. Comment il s'appelle? Chose, là. Michael quelque chose, là. Mais allez voir tout de suite. Pendant que JF a chose. OK, ouais, je vais vous lire le tweet de Dustin Penner. Dustin Penner, il a dit « It is always consensual if she's your girlfriend. Asking for my GF, my girlfriend, and shortly arriving police. » C'est une joke de viol, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. T'as dit donc. Quelques, ben dans le fond, il a dit... Excuse, je n'ai même pas écouté. Non, on parlait de... Dans le fond, il a dit, c'est toujours consensual en français, ça dit quoi? Là, ouais, ça consensuel. Dit, consensuel. Ouais. Quand c'est ta blonde, j'y ai demandé, mais la police est arrivée, tu sais. Fait que après ça, il a dit, I came up with the joke with my girlfriend, you idiot, freaking about this. Tout après, il a écrit ça. Puis après ça, il écrit encore, it's a rape joke, it's your girlfriend. Is this even my girlfriend? Fait que là, vraiment, là, le qui gars, est il en paix, là. Dans le fond, il a dit, est-ce que c'est tout le temps, ben pas consensuel, est-ce que c'est tout le temps qu'on s'entend quand t'es avec ta blonde, mais la police est arrivée, dans le fond, c'est ça qu'il a dit. Exactement, fait que là, il s'en est empiré, puis... Genre qu'il a violé sa blonde. Là. Après ça, TSN a décidé de le mettre dehors, puis après ça, il dit, c'est pas TSN qui me met dehors, j'ai décidé de démissionner une heure avant de faire ma joke. Ok, essaye de sauver la face, là. Ben bref, il s'est manqué à la shot, puis Dustin Penner, c'est pas toi qui s'est blessé en mangeant des crêpes un an? Vous avez jamais entendu parler de ça? Non. Il y a une année, sa blonde, il fait des crêpes, il mange des crêpes, il se barre le dos. Il jouait pour les Kings de Los Angeles dans ce temps-là. Il l'avait-tu violé avant? Ou... Il s'est barré le dos en mangeant des crêpes? Oui. Non, c'est vrai. Cher auditeur, écrivez sur Google « Dustin Penner Pancakes » puis vous allez rire de cette histoire-là. C'est incroyable. Hey, OK, t'as peu. On essaierait d'approcher. Je vais vous compter de quoi. On jasait tantôt. En tout cas, c'est vraiment cool. Je vais le taper sur Google. Tu iras les ça, c'est vraiment n'importe quoi. Puis sa blonde, c'est une mannequin. Ben, c'est sûr. Comme tout le monde, comme tous les joueurs de hockey. Sauf Bournival, là. Ben, faut le prendre. Ou Louis Leblanc qui sort avec un homme. Non, un chimail. OK, mais... C'est le rire de Pogo. Pogo, tu m'es chaud. Caronne. Non, mais la pire affaire que j'ai vue... La pire... Hey, laisse pas stimer. Hey, salut mon homme. Hey, non, mais la fin... Ah, mon Dieu. La pire calisse d'affaires, sérieusement, là, j'invite là, les personnes qui écoutent le podcast à checker ça. À l'époque, v'là peut-être 6 ans ou 7 ans, les Leafs avaient nommé comme DG, tu sais, un vieux calisse de 75 ans, Fletcher. C'est le père Fletcher. C'est-tu Chuck Fletcher? Chuck Fletcher, possible. C'est ça. Darren? Darren Fletcher. Mais non, ça, c'est un joueur de baseball. C'est ça. This is not fucking baseball. This is not fucking baseball. Excusez, j'ai déplacé les sons sur mon soundboard. Là. Non, mais... OK, Fletcher, là, c'est... C'est-tu lui? C'est qui ce calice? Je sais pas, il est vieux en tabarnak. Chris Labicro, c'est pas un pénis. C'est Cardin Juniac, ce calice. Pour vrai? Eh oui, hey, Fernand Junior qui sasse une graine. Excusez, on écoute genre la dernière game du Canadien au Forum, puis là, il y a des vieux monsieur aux cheveux blancs qui parlent au micro. Il chante-tu? En tout cas, non, mais non, tabarnak, c'est René Lecavalier. Ben oui, ah oui, direct ça. Revenons à nos moutons. Ouais, là. C'est ça, tu disais qu'il y avait un crise okay, de vieux. OK, yeah, Fletcher, là, OK, t'as un peu juste faire une parenthèse. Fletcher... Non, c'est René Lecavalier pis ça des graines. Sorry, aucun René, respect. Hey, René, je pointe de Lecotex en haut du studio en ce moment. Une Lecotex, we trust. OK, fait qu'il y avait un crise de okay. Vieux. Fait que là, hey, Fletcher, il arrive à conférence de presse. T'as le président qui est là. Non, écoute bien ça. Le président, il est à côté de lui. Puis Fletcher, là, il arrive, c'est une nomination, là, son poste qu'il a, Fletcher, ça n'a pas rapport. Il parle du texte, OK, il lit un texte. Il lit pas, il le cite. Il cite un texte, puis à côté de lui, t'as le président des Maple Leafs, que je me souviens pas de son nom. Il fait le lip-sync sur le texte que l'autre, il cite. Tu comprends? Comme si les deux le savaient par cœur. Tu comprends ce que je veux dire? L'autre, okay. Il parle dans le micro à conférence, puis il dit, tu sais, mettons, ah, nous autres, ben les Leafs, cette année, on a des buts, c'est faire les séries éliminatoires. Ah, je suis content d'être nominé ici. Le gars, à côté de lui, là, les lèvres là, bougent, lip sync synchronisé parfaitement. Là. Wow. Il avait écrit son texte. Il faisait du ventriloquisme. Le quiz. Inventriloquisme. Non, mais c'est, je veux dire, c'est la pire affaire que tu peux jamais voir. Là. C'est de dire, on engage une marionnette, là, on le fait parler. Là. Mais en plus de ça, t'as pas la subtilité ben de fermer ta gueule. Mais ça, c'est des tout craché, ça n'a pas changé. Ils sont dégueulasses. J'invite le monde, là, c'est... Asti, je me souviens pas de son prénom. Ben, c'est cette semaine, on essaiera de poster sur Facebook. Ben, faut le poster parce que, je te jure, c'est impressionnant à voir. Tu dis, ça se peut pas, là. Continuons sur les informations de Twitter encore cette semaine. Jeffrey Lopez qui s'est fait ramasser sur Twitter. Jeff, encore une fois, les informations sont... Ah, mais ça, c'est juste un hater, là, que comme... Non, mais... Il y a une affaire par rapport, c'est un show de TV. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que c'était comme une joke qu'un fan a écrit. Dans le fond, Ça, il faut dire aussi que, je sais pas, des fois, les sujets, là, j'ai mis GF dans le pacing du show, fait que ça se peut qu'il y a des affaires qui arrive, c'est que ceux qui n'ont pas écouté la date limite des échanges... Ah, ok, ouais, ça, c'était fou, vu qu'il n'y avait pas de contenu, ça l'a comme dérivé avec des lamas, des chanteurs country, puis des tweets bizarres comme celui-ci. Les tweets n'étaient pas filtrés, je crois. C'était... Adradnat821 qui a écrit « I want the Leafs to keep Lupo slowly based upon the fact that he banged Fanov's wife. » Ça, ça apparaît à l'écran. Ouais. Pour ceux qui regardent. Et puis, Lupo, il a vu ça, puis il a dit... Fait que ça amène sur mon autre point, là, qui était le genre de conflit entre TSN, puis Lupo, Fanov et Elisha Cuthbert. C'est ça. Fait que là, dans le fond, Lupo, lui, au lieu de comme un cave, il tweet de quoi en voulant dire « C'est vraiment embarrassant ce que vous avez fait là, TSN, manque de respect. » Mais ce qu'il sait pas, c'est que le monde sur Twitter sont vite en tabarnak. Ouais, pourquoi les joueurs ne font pas leur calice de gueule sur Twitter au lieu de laisser. T'sais, mêle-toi pas de ça. Il aurait pu comme faire de quoi d'autre, fermer sa gueule ou quoi que ce soit. Mais là, non, il pose de quoi sur Twitter. Puis là, le monde commence à le blaster. Lui, il dit TSN, this is very embarrassing. You're not TMZ ou peu importe. Fait que là, le monde commence à dire. What's embarrassing, c'est que toi, tu gagnes 5,25 millions puis tu n'aimes pas qu'à faire une saison complète. Fait que là, le monde commence à le blasser sur Twitter. Fait que l'orgueil du gars est tombé. Ils poursuivent TSN. TSN appartient à Bell Media. Les Leafs appartiennent à Bell Media. Tu poursuis ton employeur. Fait que le lendemain... Pas Rogers? Non, ça appartient à Bell. Ah ouais, OK. Puis après ça, c'est rendu que Phil Kessel, le lendemain, avec sa petite voix là, semi-couillée, la voix de l'unicouillisme. Stop blaming Dion. It's not his fault. Ben oui, Dion, puis lui, c'est. Ah, mais les journalistes n'ont rien à faire en tabarnak. C'est ça, il a dit c'est pas lui qui est l'architecte de l'équipe. Fait que là, Kessel, il blâme l'organisation qui est Brandon Shanahan. Ben ouais, là où est mon point, Brandon, t'es un esti de cave. Ben, les Leafs avaient une opportunité de tanker leur club. Ils ont même pas été en mesure d'échanger leurs joueurs à date limite. Chris, penses-tu vraiment que Détroit aurait donné Anthony Manta pour Dion Phaneuf? Voyons donc, c'est n'importe quoi. Fait que les Leafs, malheureusement, pour les fans, il n'y aura pas de Coupe Stanley encore pour les 10, 15, 20, 30, 35 ans. Même ouais, pas, ouais, ouais, c'est bon. Là, à 30, tu commences à être réaliste, là. Voilà, hey, ça fait dur leur affaire. Long, les puis... Leafs, là, pognez cette équipe-là, déménagez-moi ça à Québec. C'est de la merde. Non, mais les Leafs. C'est chiant pour les gens de Québec. Ah, j'avoue. Ah, non, ils peuvent moi, avoir. En même temps, les Leafs, c'est beaucoup trop pour eux autres. Non, je pense qu'ils vont hériter des Panthers. Ben, justement, JF, un excellent segue sur mon prochain sujet. Les Panthers qui ont habillé 4 gardiens pendant le match contre les Leafs. Chris, tout ça tient dans ce pacing-là, c'est fou. Ouais, il y a chose là. Ben Luongo, il a Luongo s'est blessé. Il a mangé une puck à l'épaule près de la gorge. Le goaler qui l'a remplacé s'est blessé aussi. Ouais, Almontoya après ça il a joué, il a mangé une puck pas loin de la gorge lui aussi dans le fond, qu'ils sont pas chanceux. Mystérieusement. Ben, ce qui est arrivé dans le fond, c'est Luongo que comme en... quand Luongo est en route à l'hôpital, ils ont habillé un joueur de centre qui est Derek McKenzie. Ouais, exactement. Puis là quand Montoya s'est blessé, là, le coach et gardien but allait signer un contrat d'urgence. Rob Tallis. Pour s'assurer, dans le fond, que tu sais, il soit pas dans la main. Fait qu'il s'est habillé tout. Puis ils ont même montré le contrat le lendemain. Ça y a rapporté 500$. Ouais. Wow. Avoir, c'est close. Mais entre-temps, Luongo est revenu habillé avec sa chemise. C'est ça, quand il s'est aperçu que, voyons, ça n'a pas d'allure, ça, Calis. Il est sorti de l'hôpital. Il est revenu à l'aréna, puis finalement, mais il s'est habillé, puis il a gaulé le reste de la game. Fait que imagine, t'as pas ciblé ça. C'est... Ben, il a pas joué l'autre game. Non, mais... par mesure préventive, là, les Italiens sont très faibles. Mais, Bon, ça y est, c'est une autre affaire. Tabarnak, on retourne dans le profilage racial. Les Portugais ont des petites graines, les Italiens sont faibles. Je vais arrêter ça là. Puis, ouais, voilà. C'est ça, on ne tombe pas dans le trop deep. Ben, sinon, il faut que je change les intouchables. Bref, c'est assez incroyable parce que Rob Tallis, je pense que la dernière fois qu'il avait goalé une game dans la nationale, là, ça faisait 11 ans. Ben, ça fait bien plus que ça, Calis. 11 ans, me semble. 11 ans? Hey, Robbie Tallis, quand j'ai vu ça, là, j'ai fait... Non, 2002, c'est pas 11 ans, il fait 13 ans. C'est... Ouais, c'est ça, ça commence à faire un bout, là, pareil. Là. Quand j'ai vu Robbie Tallis, j'ai fait... Asti, Rob Tallis, ça fait tabarnak. Moi, j'ai fait ça, puis je me suis regardé, puis j'ai vu l'image du gars dans Guardians of the Galaxy. JF, tu peux pas faire des références à Guardians of the Galaxy, ici. Personne l'a vu. Sauf ouais, toi. C'est dommage. Ouais, ben. C'est dommage. Jeff l'a vu aussi. Je l'ai vu aussi. Ah, je vais voir un moment donné, là, j'en vais le craquer. Là. Ouais, je vais passer le Blu-ray. Ah, sûrement. C'est bien divertissant, tout ça. Pendant que l'écran bleu des restrictions nous apparaît en face. Dans le fond, c'est un renard qui pilote un vaisseau. C'est un renard avec un gun et un gros arme. Ah, il faut que tu fasses attention parce que si, il est fin comme un renard. Ouais. Quand t'écoutes ça, le film, ça pousse, t'es cœur. Tu punks juste un corps, t'es correct. Prochain sujet. C'est tellement en train de dériver. Là. Sujet du hashtag On s'en calisse. Mike Ribeiro et sa femme se font poursuivre par leur ancienne nanny. Tabarnak! On s'en calisse! Il a ploté à nanny! Ben oui. Mais aujourd'hui, là, il y a eu des infos qui ont sorti comme quoi la nanny était comme un genre mineur. Là, ça. Mais Chris! Ça, je savais pas. C'est un viol. Ça, c'est un viol. Ouais, mais tu sais, on peut s'entendre sur une chose. Juste clarifier de quoi, parce que le monde me posait des questions sur Twitter si ça faisait référence à t'es-tu mon histoire. T'es-tu rendu comme la référence du hockey au Québec, GF Twitter, là? Ouais, ben, c'est quoi? Tu t'aurais dit comme un jour de Hockey Insider. Non, GF non, devrait être... pas jamais Hockey Insider. T'es un genre d'insider. Tu fais de la peine. GF devrait piloter le Twitter la soirée du podcast, parce que Chris, il est tellement actif, c'est je parlais c'est pas fou. De Hockey Insider, je parlais genre de Hockey Insider, genre... En général. Ouais. Parce que, dans le fond, mon histoire avait rapport plus dans le temps que Ribeiro jouait à Montréal, mais dans le fond, la morale de l'histoire, c'est que Ribeiro ne changera jamais, là. Le TVA Sport avec leur émission de rédemption, choses binouches, Mike. Ça se peut qu'il a fait Mike, rédemption. I got coke like the 80s, Ribeiro. C'est sûr et certain que ce gars-là, il a pas changé, mais pas pantoute, là. Ouais, mais c'est sûr, il va tout être malade, là. C'est sûr et certain. Puis sa femme, peut-être qu'il était capable d'arrêter. C'est là. Sûr qu'il a essayé de la fourrer. Elle a dit non, il a voulu la tabasser. Puis après ça, sa femme l'a pogné. Puis le mec a dit, c'est elle! Puis finalement, sa femme l'a comme engueulé. Puis là, ça fait une poursuite de plusieurs millions de dollars. Mike Ribeiro, là, veut pas. Là. C'est fucking. Ben là, tu dis fucking n'importe quoi. Non, même. Je te résume ce que 25 Stanley explique. Oh, mais 25 Stanley, c'est pas une source crédible, tabarnak. Fuck you, 25 Stanley. Ben, calice. En passant, là. C'est possible, il casse à gueule. Il vient péter à GT Utah. Tu veux pas que je parle de l'ancien compte, mais la version de 25 Stanley à l'ancien compte, c'est une chinoise lesbienne. Je sais pas si tu le sais, là, mais c'est du Régent Tremblay tout craché. Mais est-ce que okay, Régent mais Tremblay... la fa... excuse. Reste Ribeiro, là. Tourne pas dans... Mais en tout cas, bref, pour compte. Mike Ribeiro, on s'en calisse. On s'en calisse. Regarde, le gars, il est de même, mais s'il changera pas. Bon, on s'en calisse et on passe au prochain sujet. Il est pogné, Chris, avec... un problème, de dépendance alcoolique puis tout ça. Et ça, se peut qu'il change à un moment donné. Il là. Aime beaucoup le coco. Ben, il va changer. Ben, c'est ça, il aime beaucoup le coco. Quand est-ce qu'il change, Chris? Ben, il aime ça, le coco. Donnez-y un coco, si quelqu'un. Donnez-y un coco, il va être content, pas que ça en vient en plus. Hey, les bons œufs Cadbury qui sont sortis en plus. Il va y aller sur le coco. Il y a une bonne poudre blanche dans les œufs Cadbury. Il y a de la genre de crème. OK, prochain sujet. concernant les Bruins de Boston. Connolly s'est blessé. Ouais, mais regarde ça. Brett Connolly, le nouveau attaquant des Bruins, se fracture c'est fracturé un index dans une pratique avant même de faire son premier match. Bravo, les Bruins! Hey, ils ont donné deux choix de deuxième ronde pour ce calice-là. 4 à 6 semaines? Ouais, au moins. Wow. Hey, il y a plein de Chris Nathan McKinnon, man. Il fracture du pied. Ah, ça, je savais pas. Ouais. Je l'ai pas dans mon pied. J'ai entendu ça tantôt. Nathan McKinnon, ouais, McKinnon est blessé. Ouais. Parti pour 2 à 4 semaines, je pense. 8 mois. Hey, 12 ans. Bon. On grimpe sa vie. Prochain point. Jordan Leopold qui retourne au Minnesota à cause de. Ben, à cause. En gros guillemets, là, d'une lettre de sa fille Jordan. Jordan Leopold et sa fille Jordan Leopold. Tabarnak! Quoi? Elle s'appelle Junior. Elle s'appelle. Non, mais lui s'appelle Jordan avec un A, Jordan. Puis elle s'appelle Jordan avec un Y, Jordan. Elle joue au tennis. Fait que Jordan Leopold et la fille Jordan Leopold. Ah, c'est tabarnak, là. Avez-vous vu ça passer d'ailleurs pour ceux qui ne l'auraient pas suivi? C'est une lettre qui est cute, mais bref. C'est une lettre qui dit mon père devrait revenir au Minnesota, on s'ennuie de lui. Elle doit avoir comme 8 ans, là. Ah, oh, OK, c'est cute à cet âge-là. Non, c'est quand même cute. Pas en Mike Ribeiro. Ah, c'est full tapette, là, comme lettre, là. Retourne pas au Minnesota, fuck it. Trop tard. OK. C'est fait. Moi, je trouve ça plus cute, dans le fond, la vidéo, genre, que Duncan Keith, il patine avec, genre d'handicapé qui est pas capable de parler, puis là, puis elle voit. Ah, ouais, puis tu sais, genre... Juste comme des sons de tourette un peu. Là, moi, j'aime mieux les vidéos de Evander King qui fait des push-ups avec du cash sur le dos. Donc, ça, tu me fais penser à quoi, dans le fond? Quelque chose de sérieux puis vraiment intéressant. Lundi, à moi et compagnie, à 4h, si mettez vos enregistreurs. Tabarnak. Non, c'est vrai, il y a une émission où Mathieu Baron dans le loft et Emmanuel Auger vont... Mathieu Baron? Ouais, ils vont coacher une équipe de c'est personnes... C'est qui Mathieu Baron, Mathieu Baron, c'est le gros gars. Le Baron? Les gens de loi. C'est un gars dans Love Story. Oh, puis, tabarnak, pas le gars de Saint-Jean? Ouais. Hostie. Mais ils font une émission sur une équipe de déficience mentale. Puis ils les aident à jouer au hockey, à patiner, puis tout ça. Puis c'est quoi, là? OK, fait que ça rend comme les gars cute. Les filles, ils font... Ah, ils s'occupent d'un handicapé. Ah, ils étaient dans Love Story. Peut-être, mais tu sais, dans le fond, c'est touchant parce que moi, j'ai comme... ça me touche, je sais pas. Mais on sent tabarnak de Cass de Love Story. Qui mange t'es un hostie de sensible, malade, calice. Ça arrive. Ouais, I'll drink to that, hostie. Ouais, non, sérieusement, l'affaire de Duncan Keith, ça m'a touché droit au cœur pour vrai. là. Mais tu sais, c'est cute pareil. Je veux dire, les enfants sont tellement contents. Eux autres, ben ils peuvent rien faire. Ils n'ont pas le choix, là, à un moment donné. C'est des victimes, c'est-tu. Puis ils sont fins avec eux autres. Imagine cet enfant malade, puis le joueur qui vient de voir cette journée-là, c'est Lars Eller, c'est-tu. Il t'achève, c'est oublié ça. Il dit débranchez-moi, Carlis. C'est... Non, Chris, tu veux pas aller voir. Je m'en vais. Dans Kinky, tu dis, c'est comme c'est superstar, là, pareil, là, ben comme ouais, Def. Là, tu sais, je m'en allais défendre les joueurs qui font ça, mais je m'en calisse. Là. Fait que, okay. Prochain sujet. Un ancien du CH, Alex Tanguay, qui devient le 7e. Alex Tanguay, t'as peu. Le gay. Alex. Le gay, ah ouais? Des rumeurs, ouais. Tanguay, il est gay. Ah, je suis sûr aussi. Tu sais que tu sors ça, toi, là. Ah, il l'est peut-être pas, là, mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait un look. C'est pas lui qui dit qu'il y a des hanches en bois. On l'a au bout du fil, on va y parler alors, Alex. Hey, Alex, comment ça va? Une graine dans la gueule. j'ai toujours trouvé fag un peu, lui. Hein. Possible. Mais c'était pas ça mon point par rapport à Alex Tanguay. C'était insuccessible. C'est pas moi, c'est une fag. Fait que Alex Tanguay, 7e joueur du repêchage de 98 à finir avec 1000 matchs. A franchi le cadre des 1000 matchs. T'en vas où avec ça? Nulle part. Il a franchi le cadre des 1000 matchs. Voilà. Moi, je vous donne des nouvelles en vrac comme ça pour vous informer. C'est un fin passeur, par exemple. C'est un Québécois aussi. Carrière sous-estimée, joué à Montréal. En Chambord. Il a fait que passer. On l'a échangé. Il a fait que passer. Mais il était bon à Montréal. C'est un petit passeur, par exemple. Il a joué pendant l'année des quotidiennes qui ont été. Ça fait pas rien que la drogue, là, puis tout. Chris, il fait des saisons de 50 points pareil, ce gars-là. Ah, il a toujours été constant. Il est constant? Ouais. Puis il est content. Et voilà. Il aime ça de la profondeur. Lui, il aime ça, les profondeurs, mais ouais. On vous laisse deviner la fin de l'histoire. Costine, as-tu vu l'autre jour dans la presse, je vous avais posté l'article. Ouais, il y a quoi qui est passé? C'était quoi déjà? C'était le pimp, le gars qui fournissait en le dope, pimp qui en boisson. Qui est rendu en tôle. Genre, il a écopé de 25 ans, là. Quel fournissait, gars? Lui qui fournissait genre en pute les frères Costine à Montréal. Ah. En poudre, en pute. On va se dire, là, on va se dire, on va appeler un jeu, là. C'est un malfrat. Okay? Non, mais c'est lui, genre, qui fournissait, genre, en boisson illégale, si tu veux, poudre, weed, tout ce que tu voudras, là. C'est comme... Ah, si, Chris, je vais l'effacer de mon téléphone d'abord. De la pute. Ah, ben là. De la puta. De la... Coco and puta, c'est ça, voilà. C'est ça. Je parle à lui qui disait puta. Coco. Fait que mon dernier point avant qu'on fasse le résumé des... De là, mon prochain drink que j'ai inventé en l'honneur des frères Costin, le coco puta. Tu le bois par le nez. Tu le bois d'ailleurs, avec une paille dans le nez et une paille dans l'œil. Ben là, vu qu'on a notre drinking game de la soirée du podcast, ça serait le fun que les qu'on fans l'essaye. Nous envoient des recettes de drink. Le drink officiel de la soirée du podcast, peut-être, je sais pas. Tabarnak. Ben ouais, osez. Le seul drink qu'on connaît et qu'on aime, c'est de la bière. La bière, c'est la moins, ouais. Moins chère possible. Ben osez nous surprendre, on va non, boire. Non, mais c'est quoi, j'ai une bonne idée, brassez-nous de la bière. Ben oui, une bière à la soirée du podcast. Ouais, c'est ça, brassez une bière. Hey! Ça serait incroyable. On pourrait faire notre propre bière maison. On fait pas ça toutes vos mains pendant un des podcasts. Ah non, mais je suis en train de préparer un drink pour automne prochain. C'est un... c'est ben spécial. Long. C'est spécial. C'est fermenté. Ben, dans le fond, je veux dire que c'est un drink qui a été fait à base de fruits des champs. Cueillir la main. Ben, dans le cas de ce drink-là, ben, c'est un drink qui... C'est pas d'Atonate 2.0. Ah non, oublie ça, c'est suédois, là. Dans le cas de René... C'est fait avec la levure, mais dans le cas de René, c'est sûr que... OK. on va y evaluate your drink bientôt. Oui. Oui. Oui. Fait que dernier point, avant de faire le tour des échanges de la Ligue. Avec son 33e gain de la campagne, Alak devance Billy Smith, Chris Osgood et Rick DiPietro pour les victoires en une saison chez les Islanders. On s'en calisse. Alak. Billy Smith. Billy Smith. Ça, c'est lui qui se lâche le monde dans les cheveux comme un nostalgique. Chris Osgood. C'est quoi? Des coups de biscuit. Des coups de biscuit. Biscuit brun. Peut-être Varjac avec le biscuit, calisse. Il lâche plus avec le blocker, Hustler. Le blocker, ça sert à rien. Ça. Le blocker, ça sert à Varjac en arrière de la tête. Moi, je trouve que le blocker chez les goalers est vraiment pas bien utilisé. Il devrait être plus actif avec le blocker. Le blocker, c'est fou le blocker. Un safe blocker, mais pick. Quand il est bien placé, ça sort bien. Tu sais, les vieux blockers bruns, là, pack! Curvé. Curvé, tu faisais chauffer en haut du rond du poil quasiment, là, pour ouais. Comme Chris, faut qu'il curve. Comme un sandwich à crème glacée. Pendant qu'il se faisait des couteaux sur le poil. Oh, Chris, il m'a donné goût d'un sandwich à crème glacée. Moi avec, j'ai faim. Fait qu'on s'en va tôt, on finit le podcast, on s'en va tôt chez Dairy Queen. J'ai faim. Fait que dernier point avant de faire les questions du public, les gros échanges de la ligue dans la brèche des échanges, Jeff, rapidement là. Oh là. Ben dans le fond, je vais nommer les gros trades là. Il y en a pas eu tant que ça des gros trades en plus. Il y a des joueurs mineurs. Il n'y a pas eu des gros names. Non, là, ben dans le fond, Keith Yandle. Des gros noms. Oui, il y a eu Keith Yandle. Puis là-dessus, j'aimerais juste vous poser une question. Est-ce que vous connaissez Keith Yandle? Ben moi, je pas personnellement. Pas là. Non, je veux dire en tant que joueur de hockey. Ben on l'a pas vu beaucoup pas évoluer. Il était dans pourquoi? Quelle équipe avant? Phoenix. Où est-ce que tu vas en venir? Ben bref, je savais qu'il était à Phoenix, mais où est-ce que tu vas en venir? Keith Yandle, c'est un excellent joueur de hockey. Il a joué son junior dans la Ligue junior majeure du Québec. Oh, okay. Puis c'est peut-être le joueur le plus talentueux qui a été échangé pendant la date limite des échanges. Puis je m'explique. Ben moi, tu t'en souviens, Malette, aussi? Je parlais de Keith Yandle, moi, que c'était comme Yandle à Montréal, ça aurait été malade. J'aurais adoré Yandle, mais Chris... Avec Myers, les deux defs qui étaient les plus prisés, c'était Yandle et Myers. C'est ça. Ben, selon Alex Galipo, Yandle était trop vieux puis pas assez bon facilement. Ben, il est jeune, Yandle. Il a quoi, 26 ans? Il a 28 puis il a 41 points en défense. Il est à 8 points de la première place des défenseurs. C'est un gars qui bouge le puck, ça. L'affaire que je trouve drôle dans cet échange-là, c'est que les Rangers sont allés all-in. Ils ont donné un choix de première ronde avec le jeune... comment il s'appelle, le petit bonhomme? Là? Ben, le noir, là. Anthony Duclair. Ouais, lui. Anthony Duclair s'est fait annoncer par Philippe Boucher, l'entraîneur des Remparts de Québec, entre la 2 et la 3, qui s'est fait échanger. Le gars, il a joué une troisième période de cul parce que lui, il se voyait à New York pour des années. Puis dans ben sa tête, oui, lui, c'était un promoteur, là. Ben oui, c'était la toune de Jay-Z. New York! Qui jouait, puis là, il s'en va en Arizona. Fait que c'est sûr que le gars, il est traumatisé ben raide, mais d'un côté, regarde, il a appris que c'était une business. Puis les Rangers, ce qui est surprenant, c'est que depuis 2013 jusqu'en 2016, aucun choix de première ronde. Je suis allé voir leur farm club, club-école en français. Il n'y a rien esti qui s'en vient dans les prochaines années. Le club de fermiers. Fait que les Rangers de New York sont mieux en tabarnak de gagner la coupe cette année ou l'année prochaine. Mais non. Calis capote, là. Sont mieux, sont allés à All-In cette année. S'ils perdent, là, oublie ça. Là. Martin Saint-Louis, l'année prochaine, il est joueur autonome. Après il ça, est sur la retraite Saint-Louis aussi, j'imagine. Il est rendu pas loin de 40, je pense. Je sais pas s'il va signer un an de plus. New York, au meilleur des cas, dans le meilleur des cas, oui. Ils vont pouvoir se rendre peut-être en finale si tout va bien. Dans le fond, c'est un peu pour ça qu'ils étaient cherchés Keith Yandle. Ouais, mais c'est un beau trade qu'ils ont fait. Sérieusement, ils ont la meilleure défensive dans l'Est et peut-être une des meilleures défensives équilibrées dans la ligue. Puis moi, je vais te le dire, là, le défensif, là, sérieusement, là, est belle. Ah, c'est beau stock. En plus, avec Princess Lungvis dans les nets, là, il faut. Ah, mais lui, tabarnak, il a le don de donner une calisse de vidange quand c'est pas le temps. C'est vrai, mais par tabarnak, contre. Tabarnak, il est comme ça, il est pareil. C'est l'équipe à surveiller dans l'Est. Ça, c'est vraiment. Là. C'est l'équipe à surveiller dans l'Est, mais tabarnak, Lungvis, là. Il est aussi pire, hostie, là, que Chris, là, la dentition de cheval, là, à Pittsburgh, hostie, là. À Fleury. Fleury. Dentition de cheval. Hashtag dentition de cheval. Ben, justement, on va venir des Penguins de Pittsburgh dans pas long. Mais lui, il y en a de l'émail. Plus que moi. C'est ça, ils sont allés à All-In cette année. Ils ont vraiment plus rien dans le club école. Donc, aucun avenir avec les jeunes qui s'en viennent, qui poussent dans le club. Si les Rangers ne gagnent pas, ou ben mettons cette année, là, oublie ça, là, c'est un gros risque qu'a pris Glenn Sutter là-dessus. Là. Ben, c'est ça, il est allé à All-In, t'as raison. Puis c'est-tu quoi? Il a donné... Les gars, moi je sais pas vous autres, là, mais il a donné. Là... Vas-y, mon Martin. Il a donné Anthony Duclair. Ouais. C'est un suicide. C'est un noir. C'est un suicide parce qu'Anthony Duclair et Max Domi, ça va faire peut-être un bon petit duo à Phoenix. En Arizona, je suis mêlé parce que. En tout cas, c'est pas grave, on comprend. Là, prochain, Phoenix, Arizona. Prochain mais gros dire, trade. Le prochain gros trade, dans le fond, ça y va en moton, si on veut. Là, c'est les Penguins de Pittsburgh. Ils ont commencé par David Perron. Maxime Lapierre. Ils ont donné un choix de première ronde. Ils ont été chercher Daniel Winnick. Après ça, ils ont fait un move. Ils n'ont pas fait chichi, ils sont allés chercher. Ils ont été chercher Ian Cole, un défenseur à Saint-Louis. Puis après ça, ils ont terminé avec un trade bizarre. Ben Lovejoy contre Simon Desprez. Lovejoy. C'est comme tellement comme une marque de dildo. Puis le pire, c'est que je pense son nom sur Facebook, il fait référence au prêtre d'un Simpson, Reverend Lovejoy. Ça se peut, là. Mais tout ça pour dire, Simon Desprez, c'est comme un genre de Nathan Beaulieu. Impossible. Non, c'est vrai. C'est random fact. Si on retourne en arrière. Ça se peut. C'est possible. Ben Lovejoy a joué pour les Pingouins. Il a commencé sa carrière avec eux autres. Les Pingouins l'ont crissé au balotage, puis les Ducks l'ont réclamé. Simon Desprez, c'est comme un Nathan Beaulieu au même niveau. Est-ce que vous l'aimez, Nathan Beaulieu? En ce moment, oui. Là. Ah, moi, j'adore. Là, tu vas chercher Ben Lovejoy, qui est pire que Tom Gilbert, contre Simon Desprez. Wow. Tom Gilbert est pas poche, il est juste pas bon. Je te dis que Ben Lovejoy, il est pire. Calvaire. Fait que ça te donne-tu une idée que les Pingouins, là, faut pas oublier une chose, c'est Jim Rutherford, le directeur général des Pingouins de Pittsburgh. Lui aussi, il est allé all-in. Il est allé chercher plein de caca. Il a mis ça dans son alignement. Puis lui, il pense qu'il va se rendre en finale de la Coupe cette année. Hey, ça, c'est le gars qui a échangé James Neal pour de la calice de marde, ça. Fait que les Pingouins de Pittsburgh, je pense qu'ils vont être des grands perdants de la date limite des échanges. Ça, c'est mon point. Avez-vous quelque chose à rajouter? Non. Non, mais quand t'as dit plein de caca, ça m'a fait penser à plein de canac. Ah, mon frère, c'est pas content. dans le fond, vite de même, les prédateurs de Nashville avec la quinture de Cody Franzen ont une crissie de bonne offensive. Fait que je serais curieux de voir s'ils vont se rendre loin en série cette année. Ben, prédateurs, Chris, avant. Ouais, Cody Franzen, puis ils sont allés chercher quelqu'un d'autre, me semble aussi. Non, les prédateurs ont fait. Ah, Mike Santorelli, un centre. Oui, ben des oui, c'est ça. C'est ça. Puis lui, il est pas méchant partout. Là. Non, c'est ça. Ben, c'est pour ça que moi, je parle. Tu sais, à part Ribeiro au centre. Hey, eux autres, là, ils ont bien tradé. Là. Eux autres, là, se sont stackés, man, pour faire les playoffs cette année. Encore là, on dit cette année, c'est une année de profondeur. Fait que, c'est ben exactement oui, ce que les prédateurs ont fait. Oui, mais Chris, il y avait juste des joueurs de profondeur à échanger. Il n'y avait pas de gros noms. Il n'y avait pas vraiment, de gros noms. Il n'y avait pas de Marianne Gaborik cette année. Comme c'est sûr qu'on passe vite sa liste. L'année passée, puis il n'y avait pas de Thomas Vanek. Puis il n'y avait pas. Il n'y en avait pas, Sty. Il n'y en avait pas de top 6. Les Jets de Winnipeg qui ont été chercher Yiri Tlutsi. Les Jets ont fait plusieurs transactions. C'est Tlutsi. Un gars de Plado. Lui, c'est un autre Caroline, ça. Mais les Jets ont fait plusieurs moves. Dans le fond, Tyler Myers, l'autre... c'est qui le petit joueur? Là, ah ouais, là, ben là. Oui. Stewart. En tout cas, le joueur de Buffalo qui joue sa troisième ligne. C'est ça. Ben, en tout cas, les Jets de Winnipeg se sont armés pour les séries. Pour les intéressés, je sais qu'il y en a qui aimaient beaucoup Papi Yager. Papi Yager, ouais. Ça va en Floride. Eh hey boy, hein? Papi Yager qui se joint à Danny Heatley avec les Panthers de la Floride. Ça se fait vieux, les Panthers. Hein. Ils ont vieilli, les Panthers. Ben oui. Et puis, je serais curieux de savoir si les Panthers... Ont... En plus, man, hey, ça peut être des adversaires qu'on va affronter dans les playoffs, ça, les Panthers de la Floride. Ça serait spécial. Ouais, mais je pense pas qu'ils vont... Non. Ils vont passer en avant de Boston. Ah, Boston font moins playoffs, ça va. Boston fait pas un playoff, les Panthers vont faire la 8e place. Voir, Boston fait pas un playoff, puis je viens, c'est curieux qu'on affronte les Panthers en première ronde. Je serais vraiment pas curieux de ça. Et puis après ça, Chicago, avec la perte de Patrick Kane, ont été chercher Kimmo Timonen contre un choix Chris de. Chris Vermette. Ben c'est ça, ben laisse-moi finir. Si je commence par le premier. Ouais, mais avant Kimmo Timonen, tabarnak, là. Chronologiquement, Timonen s'est joué au Blackhawks. C'est un def, ça, Kimmo Timonen. Avant Vermette. Bref, Vermette. C'est un def, Timonen. Oui. Mais là, pas à suite à la perte de Kane, hostie. Les Blackhawks. Ben oui, mais dans le fond, je vois selon la chronologie. Kane est tombé. Ils ont fait un premier move avec Kimmo Timonen. Et puis après ça, ils ont été chercher Antoine Vermette. Fait que eux autres, ils ont comme un peu comme dirait Gauthier, le toit a coulé. Fait que je l'ai patché. Avec Vermette et. Tu sais, comme si Gauthier t'a calé. Quand tu parles de Gauthier, j'aimerais ça que tu dises Monsieur Gauthier. Ouais. Monsieur Quinquennal. Qui mange la marde. Qui mange la marde. Et puis après ça, quand je regarde, c'est tout vraiment des trades mineurs. Ouais, c'est à part mineur, peut-être c'est mineur, le fait que René Bourque, qui était au Docks d'Anaheim, René Bourque, a été René. Échangé contre René. James Wisniewski et puis un troisième Chris choix de Wiz. Contre René Bourque, William Carlson et un choix de deuxième ronde. Attends, là, René Bourque a été échangé contre René Bourque? Non, René Bourque a été échangé contre James Wisniewski. Okay, c'est la bière qui parle, c'est l'alchimiste Paul O'Quillo. Puis c'est la première fois que t'as dit Wisniewski, on dirait que t'allais comme t'étouffer dans le micro en plus. Ben c'est ça, puis c'est un mot qui est surprenant. Parce que, tu sais, dans le fond, nous autres, on a échangé René Bourque pour Brian Allen, qui joue même pas Hamilton tellement qu'il est pourri. Puis, ben, Chris, on s'est débarrassé de René Bourque. Ben, Bob Murray a réussi à faire un move en cherchant James Wisniewski, qui reste encore 3 ans de contrat à 5,25, ce qui est quand même surprenant. Je lève mon chapeau à Bob là-dessus. Moi, là... Allez, Bob! Moi, Allen, là, je le compare là, comme... comme un enfant, là, tu sais, comme une place fantôme en garderie. Après ça, ben, Yuli Jokinen s'est fait échanger une 12e fois. Il se joint aux Blues de Saint-Louis contre un choix de 6e ronde. On Yuli Jokinen. Max Talbot se joint aux Bruins de Boston. Oui, puis aujourd'hui, il a déclaré qu'il avait très hâte d'affronter le Canadien pour les sortir en première ronde. Vous faites pas une série, tabarnak! Ben oui, puis il n'y a plus de game contre le Canadien cette année. Talbot, ferme ta gueule. C'est pas parce que tu viens de Sainte-Julie là, que t'es bon. Ensuite... Oui, parce qu'on sait que Sainte-Julie, c'est un nid de talent là-bas, de hockey. Là. Ben oui. Absolument. Voilà, ça aurait été dit. C'est lui, puis c'est qui son chum? C'est Bruno Gervais. Hein. Ensuite, dans le fond, le dernier joueur à avoir été changé qui est vraiment bon, c'est Chris Stewart contre un choix de deuxième ronde en 2017. Chris Stewart, mais Chris Stewart, ça, c'est un... C'est un René Bourque 2.0. On l'aurait pas aimé à Montréal, je vous le garantis. Ah, mais c'est C'est un tabarnak, on le veut pas. C'est un lait voilà. Au chocolat. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est un allié droit. Un allié droit, mais qui est paresseux au bout. Ah, franchement, si, il est au chocolat. JF, c'est pas ça que ça, je veux dire. Non, pas en tout, man. T'as plus de te censurer encore, là. C'est tabarnak. Puis, pour résumer la journée des Leafs de Toronto, les Leafs... On s'en calisse. Qui était supposé de vendre des joueurs. Tout le monde était disponible. Ils n'ont même pas été en mesure. Personne ne le veut, faire le casseau. Ils sont en reconstruction. Ils sont même pas capables de faire la job comme du monde. Hey, toi, je te dirais, là, je t'enverrais Dion Phaneuf chez vous. Là. Tu dirais quoi? Dion Phaneuf chez nous? Je mettrais probablement des bottes avec des crises de semelle en métal. Puis j'ai encore les sirènes des chenolles. Puis ta blonde vient de Greenfield Park. Est-ce, je la connaissais avant toi. Mais dans le fond, je la connais pas pantoute. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle était vraiment. C'est-tu un gars de Greenfield Park? Non, la prairie, non, ben, all on the est way. Pas loin. Mais ta blonde était pourrie dans 24. Est-ce, hey, moi, je connaissais un gars c'est quoi, c'est une qui fille, a connaissait. C'est une fille de Greenfield Park. Ouais, il y a Chuck Woodbird qui a fait The Girl Next Door vient de Greenfield Park. Ah, oh, c'est une plot, ça. Ben oui, elle a sorti avec l'autre là avant. Sean Avery. Sean Avery, puis Faneuf, c'est une plot à hockey. Elle a fréquenté Mike Komisarek. Ah, que... Ouais, c'était tout calotté. Tout... Dans le temps qu'il y avait des morpions. Hein? Dans le temps qu'il y avait des morpions, ça, ou Komisarek. Komisarek, non. Ou le poignet pété, là. Dans le temps qu'il se crossait trop. Ben bref, en tout cas, c'est n'importe quoi. Mais alors voilà. Les livres sont en reconstruction, puis ils font pas bien de job. Puis Shanahan, avec tous ces petits messieurs aux alentours, là, mais sacrément. Bon, Shanahan, c'est quoi? Là, on a affaire à un hostie d'incompétent. Oui. Parce qu'il est pas capable de coller son staff dehors. Non. Puis il est pas capable de... Hey, il laisse trader. Mais c'est quoi? Il s'est rien passé parce que tu veux pas laisser Nunes faire des trades? Nunes? Ben, dans le fond... Tabarnak! Il a tout décollé le club. Ouais, tu penses qu'il va le mettre dehors cet été? Ben oui, hostie, c'est sûr, il n'y a pas le choix. Peut-être. Il n'y a pas le choix, Shannon. Mais peut-être. Oui, tu n'as pas le choix. Mais avec toute tu la marque, tu penses. Tu collises ton coach genre, tu collises Nunes dehors, tu repars à zéro, tu n'as pas le choix. Faut que tu fasses un reset, man. J'espère c'est comme quand autres. Tu resets le ouais, routeur. Mais, là. Martin. Des plaques d'autres. Oui. Les livres, s'ils dorment, réveillez-les pas. Ils font de dos. On s'en calisse. Les livres. On s'en calisse. Faut pas les réveiller. Non, mais c'est ce que je pense. C'est plus les fans là-bas que les fans. C'est probablement autant les fans de hockey que nous autres. Puis que oui, peut-être sont bandés dans le Cherry. Mais c'est inacceptable. Comment que ça fait pour durer? Comment ça se fait qu'il n'y a pas un riot, man, à Toronto? Je ne catche pas, tabarnak. Ben, ça s'en vient. Je ne catche pas. Toutes les chandelles à la glace, ça va mener à ça. À Edmonton, c'est ce qui se passe sacrément. Il n'y a rien que ça du hockey dans la vie là-bas. Qu'est-ce qui se passe, tabarnak? Non, mais Edmonton, il faut faire attention, là, parce que, tu sais, là... Edmonton, tabarnak, quand t'es, quand t'es un marché canadien de hockey, tu peux pas te permettre d'être de même. Et où ta fierté, calisse? Edmonton, vous avez été une dynastie, man. Gars, tabarnak, Edmonton, man, vous avez des hosties de poubelle de calisse, parce que vous êtes pas capable de remonter un team comme du monde, puis vous êtes... Puis j'ai pas besoin du calisse de doigt, OK? Vous êtes des hosties de vidange, de sacrement. Pointe pour moi, man. Pointe pour moi. Vas-y, pointe. Je prends l'écran avec toi. Puis Toronto, man, Steve, vous êtes pas mieux. Vous êtes des hosties. Ah, mais les fans d'Edmonton, de toute façon, en ce moment, ils ont peur. Tu peux pas sortir d'Edmonton de ta maison. Tu peux pas crever, tabarnak. Toi, là, mettons, là, t'es un gars, là, de Edmonton. Tu sais, genre, Steve, là, tu vis pour le hockey, là. Qu'est-ce que tu penses de ton équipe, man? Non, c'est dégueulasse. Hey, le Moncton. Monde, comment ça que les têtes roulent pas? McTavish, Chris, comment ça que c'est pas fini déjà? Ça? Ben, tout ça part du président. Ben, le président, les présidents sont caves. Chris, à Toronto, ben, là, le président de l'opposition prend son cas, c'est pas. Brendan Shanahan. Chris, esti. Brendan Shanahan, il n'y a pas plus de trucs de lui dans la Ligue nationale. C'est un esti d'imbécile. Je l'avoue. Confession aujourd'hui, Brendan Shanahan, je l'ai toujours détesté. Je l'ai pour mourir. Alors voilà, le chat sort du sac. Non, mais admettons, là, OK, là, je parle pas souvent au nom des Canadiens, là, mais je parle Canadiens en tant que pays, là, OK? Ouais, le Canada. Mais comment tu veux... Oui, le Canada. Okay? D'est mais en ouest. De pays confédérés. Hey, from coast mais to coast. Je veux dire, est-ce que comment que des fans... Puis là, on est tous Canadiens, là, OK, là. Comment que des fans, là... Des fans peuvent endurer une situation pareille de hockey sans qu'il y ait une révolution calice là, dans la ville. Je comprends pas. À Edmonton, pas. En plus, il y a... Ici, à Montréal, ça arriverait, là. Il y a un building qui brûle, le calice, là, c'est sûr. C'est là. Sûr, mais dans les autres clubs, dans le fond, c'est parce que... Je comprends pas. Moi, moi, t'as expliqué. Ils sont découragés, ils sont morts. Si l'âme est plus là, là. À Toronto, ça? Ben, Edmonton, Toronto. Edmonton, il y a deux affaires dans la vie. Le hockey puis le West Edmonton Mall. Puis ils peuvent même plus y aller parce que l'État islamique l'a ciblé, ce petit centre d'achat-là. Alors non, voilà, mais... non, je vous call out l'État islamique. Non, fuck you. Non, mais... Hey, ça, on n'endurait pas ça, là. Ben non, c'est arrivé, c'est sûr que non, là. Quand c'est arrivé, Molson a repris Aaron. Ouais, mais c'est qui l'équipe Canada dans la Ligue nationale? C'est le Canadien de Montréal. L'année passée, en tout cas, tout le Canada au complet nous suivait dans les playoffs. Ben, mettons, les Canucks un peu aussi. Admettons les que les Flames, Canadiens sont très populaires dans l'Edmonton. Il y avait, il y avait des Québécois dans ce coin-là aussi. Il y avait un article aussi qui est sorti, les destinations les pires dans la Ligue nationale. Là. Écoute, c'est en tête de liste, là, il y a les Jets de Winnipeg, Toronto, Edmonton et Ottawa. Ça fait dur en crise. Ottawa? Là. Ottawa, il n'y a personne qui Ottawa. Veut signer. Ottawa? C'est pas une destination agréable. Non, non, tu parles, les joueurs ne veulent pas signer là. Ok, je pensais que tu parlais... Les fans les plus hostiles, là, OK? Non. Ben, dans le fond, tu sais, c'est démoralisant. Les équipes au Canada, là, regarde, c'est mal géré. D'autres, à Montréal, on a un président des opérations hockey qui est Marc Bergevin, qui s'est bâti une équipe pour vraiment là, bâtir de quoi de solide. Depuis que Marc Bergevin est là, le Canadien, ça s'en va de même, là, veut pas, là. Ben, à cette heure, depuis que Jeff Bolton est là aussi, je pense qu'à cette heure, grâce à Jeff aussi, parce que ça a commencé par Jeff depuis que Pierre Jeff Poirier, moustache, a son oui. camp. Ben, non, depuis que Gillette a vendu. Ouais, exact. Ouais. Ouais, mais ouais, c'est comme dirait Quentin. Non, c'est vraiment. Gillette. Ben, quand Gillette a vendu, fait, c'est ça. Là. C'est ça. La première chose qu'a fait Monson, c'est qu'il a mis dehors Boivin, puis il a pris c'est sa place. C'est ça. Ben, exactement. Il n'a pas pris d'intermédiaire de président, dans le fond. Ben, dans le fond, il est président, c'est il, ça. Il est président, mettons, côté marketing, si on veut. Puis ouais. Bergevin, c'est le président côté hockey. Parce que Pierre Boivin, là, juste une petite anecdote vite de même. Là, dans il est GM. Il est GM. Il est GM Bergevin. Aussi, mais il est président des opérations hockey, fait que c'est okay. Lui qui ramène tout de ça. Quand que Alain Vigneault était directeur général du Canadien de Montréal, Pierre Boivin était président. Puis quand il s'est fait mettre dehors, dans le fond, il est comme sorti du bureau, si on veut, pour se faire annoncer la nouvelle. Puis Pierre Boivin était juste dans l'entrée. Puis la première chose que Pierre Boivin a faite, c'est qu'il s'est mis à rire. Puis Alain Vigneault, il l'a dit en entrevue dans une émission avec Pierre Roude, là, il a dit « Est-ce que j'avais goût d'y en... » Call ici une bonne. T'sais. Il a pas dit ça, mais il a mis le point de même. Pierre Boivin, là, il a beau être intelligent, là, mais bref, c'est un tata. Là. Moi, là, sérieusement, quand j'entendais une entrevue de Pierre Boivin, là, je pense que c'est la pire époque que terrible. J'ai témoigné là, du hockey des Canadiens. Là. C'est l'époque Pierre Boivin, mais c'est le gars. Par exemple, il y a une chose que tu peux donner à ce gars-là. C'est côté le marketing, gars, côté marketing il là, les T-shirts, vendre le Canadien, vendre le logo, il a rempli le Centre Bell à nouveau parce que c'était en chute libre. Ouais. On n'avait plus de distance. Pierre Boivin a réussi à faire ça. Ben, il y a une mais grosse sur le plan, noir, ah, OK, là, gars. Zéro. Un gros zéro. Zéro. Un gars de marketing. Oh, aujourd'hui, c'est Kevin Gilmore. Zéro comme dans Ouellet, si je dirais même. Là. Hey, ouais. Tu te dis des affaires, Mart, là, c'est effrayant en ce moment. Ah, je sais pas, mais je commence à être inspiré. Bref, ça complète la date limite des échanges. Bonne chance aux équipes. Et ça met aussi fin au podcast. Mais ce qui nous reste, en fait, c'est les questions du public. Donc, tu sais, le barrage, ouais. Des réponses rapides sur ça. Vas-y. On vas-y, a un paquet de questions. Peu. Je t'ai shoot. Alors, en premier, les questions qui nous viennent dans notre Facebook. Venez nous ajouter sur Facebook à la soirée du podcast. Premièrement, JB Gagné veut savoir, le CH doit-il être considéré comme l'élite de la Ligue? Et doit-on considérer que le CH est un candidat logique pour remporter la Coupe? Ben, l'élite, entre l'élite et remporter la Coupe, on se, L'élite, c'est fort un peu. Là. Ben, on est-tu dans le top 5 de la Ligue en ce moment, t'sais, mettons? Là, ben, je pense pas. Avec le nombre de buts qu'on score, là, top 5, pas non. Qu'on top 10, comme... oui, je pense que oui. On est quand même une des puissances de la Ligue quand même. Mais notre puissance, c'est Price. On s'en va là. Les... Ben, on parle de l'équipe overall avec les victoires. C'est ça. Ben, ça. Pour moi, les élites de la Ligue, là, ça dépend comment tu veux décrire ça. Mais on parle de Chicago, on parle de Los Angeles. Tu sais, Mergevin, il a parlé des équipes matures. Le Canadien s'en va vers là. On est, tu sais, dans le fond, je pourrais dire qu'on est comme. Fort, on travaille fort. On n'est pas loin ça, de ça. On n'est pas jeune objectif. D'ici peut-être un an ou deux, là, on pourrait vraiment être considéré comme l'élite. Ouais, l'élite. Ouais, ça sent. Mais juste en parenthèse, tu sais, en parenthèse à tout ça, notre position aujourd'hui, puis actuellement, tu sais, puis on le sait, puis c'est galvaudé là, depuis un crise de bout, là, je veux dire, c'est Price. Là, ouais, ouais. Puis sans lui, on ne serait pas là où ce qu'on est actuellement. Là, oui, parce mais qu'on en même pas temps, de position offensive. Il est là, tu sais. Mais il est là, on l'a, on est chanceux, on en profite, puis on surfe sur cette vague-là. C'est ouais, ça. Mais, Souban est vieilli. Mais je pense pas que... Ouais, tu sais, il y a des belles choses à venir parce qu'on a une belle profondeur. Moi, j'ai l'impression qu'il nous manque comme il nous manque un élément du casse-tête pour être dans l'élite. Ben, il nous manque un deuxième Patrick. Un attaquant. Ouais, c'est exact. Il manque un gars qui va scorer. On va l'avoir cet été, ce joueur-là. Je vous le dis. Ben, il nous manque Galchenyuk qui éclate encore plus. Ça va s'en venir parce qu'il faut être patient. Il est jeune. Je vais être patient, mais. Ça s'en vient. Il va falloir que ça commence à rentrer époque. Ça s'en vient, mon cher. Je l'attends. Deuxième question de notre Facebook de Jerry Godbout qui veut savoir, êtes-vous d'accord que le CH va regretter l'échange DSP-Sekatch? Non, on l'a expliqué tantôt. Je pense qu'on a fait le tour tantôt un peu. Ouais, on a discuté tantôt, mais... Dans les plans actuels du CH, non, parce qu'il n'y avait pas sa place, je pense, Sekatch. Ça avait été fait différemment, peut-être qu'on l'aurait regretté. Ça va dépendre de sa production à Anaheim aussi. On verra. Là. C'est ça. Là, il joue sa troisième ligne avec A-Team puis un autre cave. Moi, ouais. Je pense pas que Sekatch va devenir le joueur de 80 points par année, 140 buts. C'est un Européen. Il a peur de se salir le nez. Puis dans l'Ouest, ça frappe beaucoup plus. Fait que c'est sûr et certain là, que je m'inquiète pas pour Sekatch. Ça va prendre une puis, demi-saison complète l'année prochaine pour voir vraiment. Ceci étant dit, des playoffs, on va le savoir. Ceci étant dit, on s'énerve pas pour Smith Pelly non plus. Parce non, qu'à c'est, date, pas, c'est pas le sauveur, date, Smith Pelly. Il commence à catcher en esti là, que ça prend Montréal. Puis hier, écoute, 8 mises en échec par un attaquant. Quand j'ai vu ça, là, wow! Hey, je pense que je vais m'acheter un chandail de Smith Pelly. C'est un gros bonhomme, mais il a Smith sa place. Pelly, je pense, moi, je suis bien content. Puis c'est un trade que je me suis réjoui, tout ça. Avant de pouvoir tirer une conclusion, là, c'est trop hâtif, anyway. C'est ça. Moi, je vais attendre la fin des séries. On va voir ces catchs, il vaut vraiment quoi dans un beau marché de hockey avec des... une équipe qui est assez axée sur l'offense quand même là. On s'entend là, des belles lignes d'attaque là, à Anaheim plus que nous autres à Montréal. Oh ouais. Fait que on va voir comment il fait là-dedans là. Puis moi je pense que tu sais on s'en reparlera là, au mais, post-mortem on en reparlera. Post-mortem on checkera ça. Mais Devontae Smith-Pelly, je pense qu'il peut nous apporter peut-être plus live maintenant. On avait besoin de ce poids-là. Ben, ouais, exact. Juste pour une petite parenthèse, des gars comme Smith Pelly, là, mettons qu'on parle d'un genre d'un Brian Bickle, quelque chose comme ça, il n'y en a pas disponible sur le marché vraiment. Là. Ces gars-là coûtent très cher, il faut les développer. McCarron va probablement en devenir un. Fait que je pense qu'on a comme réussi à mettre la main sur un gars qui est très difficile à acquérir sur le marché des transactions. Ben, c'est pas évident d'avoir un gars de même. Ou là. À repêcher aussi. Là. Ouais, à repêcher, il faut que tu sois patient. Mais McCarron, il faut voir attendre peut-être un autre 2 ans minimum avant de voir. Lui, on l'a, il y a 22 ans, il est prêt. Moi, en tout cas, j'étais très confiant là, de l'échange, là, tout ça. Puis je me suis dit, écoute, yeah. Puis, sais-tu quoi, là-dessus, là, je me range vraiment derrière Bergevin. Puis je me dis, comme, j'y fais confiance. Puis, on va voir ce que ça va donner. C'est mais ça, ouais, le j'ai confiance. Fait que. Fuck you, c'est cash, man. Dresh Hubu. Troisième question de Bertrand Shepard qui veut savoir qui fera les séries, les Bruins de Boston, les Panthers de la Floride ou le National de Québec? Le National de Québec. Le National va se prendre en hélicoptère, ils vont faire des raids de train. Ils vont sûrement gagner la Coupe Stanley encore parce qu'ils vont affronter le Canadien en finale quand ils jouent dans la même association. C'est là. Tellement cave ça. Mais non, pour être sérieux, je pense vraiment que les Panthers. La Floride avec Jagger, salut! Ouais, puis voilà. Jagger, son petit salut là, pour moi, tu vas t'en faire. Il va se faire mettre sur le nez par Smith Pelly. Parce que je pense vraiment qu'on va affronter la Floride en première ronde. Ce serait bien. Les Snowbirds seraient contents, en tout cas, qu'on affronte les Panthers. C'est comme si on jouerait à domicile pendant toutes les séries. Ben écoute, gars, si Luongo revient rapidement, je pense que peut-être qu'il est capable de les amener là. Mais hey, le classement, là, il est fucking serré. Là. Ouais, vraiment. Là. C'est pas évident. Les wildcards, actuellement, là, je veux dire, c'est vraiment là, c'est mon gars. Dans deux semaines, Boston sont en chute libre, Terrien panique. Il commence à dire des niaiseries en conférence de Julien, paille. Pas Terrien. Claude. Claude Julien, ouais, je parlais de Boston. Puis la Floride, il y a quelque chose que Gérald Gallant, il a Gérald Gallant. C'est bien ça son nom? Gérard. En tout cas, le t'es gars. T'es en train de t'es pas mort. Lâche pas mon Gérard. Voilà. Mais non, it's Gérard. It's free. It's calmer free. Il y a une belle chimie qui se prépare. Puis ils ont été chercher deux calices de vieux, mais je pense pas qu'ils les jouent présentement. Mais Jagger, il est encore performant. Là. C'est, même si c'est un calice de vieux. Jagger va aider là. Des gars comme Huberdeau, Bjugstad. Il est capable Barkov. D'envoyer ça comme encore. Top corner! Mais ça me dérange pas parce que quand on va les affronter en série, là, Jagger, là, comme un gars de Glado, Steve va sortir sa jupe. C'est sûr et certain qu'on va tasser les Panthers en première ronde. Bon, hey, alors. Gladno represent. Gladno aussi. les quatre prochaines questions nous viennent de notre Twitter, soirée du podcast. Venez nous suivre. Philippe No, at Félin Filou, qui veut savoir, il arrive quoi avec l'œil de François Gagnon? Je l'ai pas compris, celle-là. Je l'ai pas gâché, moi non plus. Je sais pas c'est quoi. J'ai pas vu. Fait que, je sais pas. Que trop ben, désolé, mais on s'en calisse. Là, c'est pas quoi dire. Ceux qui arrivent avec des comme shots dans les yeux, fait que voilà, ça aurait été dit. Ok, il y a le mec qui peut y arriver, le mieux que c'est. Ou sinon, il s'est crossé puis il s'est permis de revoler dans l'œil, ça a enflé. Ben, c'est vrai ça. C'est comme shot dans les yeux. Ben, comme shot dans les yeux. Ah, ok. C'est top corner dans le blanc. Prochaine question de Matt Labonté, at M Labonté 91, qui veut savoir pourquoi, selon vous, les Habs ont autant de difficultés dans leur voyage dans l'Ouest? La poudre coûte trop cher. Le décalage, là, tu sais. Ben, tu sais, veut pas. Hey, on vous rappelle qu'on avance l'heure en fin de semaine. Là. Oui, c'est vrai, soyez vigilants. Voilà, je vous informe comme ça. Dans le fond, dans l'Ouest, là, le problème, d'après moi, c'est parce qu'on a gagné peut-être 10 games en ligne, puis la mathématique faisait qu'il fallait en perdre une coupe à un moment donné dans l'étranger. C'est la loi de la moyenne, c'est tout. Ça nous rattrape. Non, moi, je vous redis ce que j'ai dit tantôt. Chris, que les gars sont gros dans l'Ouest. That's it, là. Ben, on les a battus au Centre Bell. Ouais, mais ils sont dans l'Ouest. Ils sont plus gros dans l'Ouest. Moi, j'appelle ça. C'est l'inflation. La gang de l'Ouest. Ouais, cette année, on a pas eu de gang sans des fêtes. C'est la gang de l'Ouest. La gang, c'est pas le nom. Genre, ouais, mais qu'est-ce que fond, prédiction, les gars, demain, on gagne contre l'Arizona. On finit le voyage en beauté. Là, demain, là, on envoie, là. Check, on envoie les top corners. Si on brûle les épaulettes du goaler demain, là. Ah ouais. Puis les deux dernières questions nous viennent de Mathieu Lamarre, at Matamor69 sur Twitter. Il veut savoir. C'est fou, man, son. T'es cœur, hein. Il veut savoir qui a ressorti gagnant de la période des transactions. Hein? Le gagnant. C'est qui le gagnant des transactions? Ou... Qui est le DG qui a fait la meilleure job? Hey, sérieusement, moi, sérieusement. Benjamin est top, j'ai l'impression. Mais moi, j'aurais comme deux. J'ai deux équipes. En tête. J'ai beaucoup aimé la transaction de New York qui sont allés chercher Handel parce qu'eux autres sont menaçants. Sont prêts, c'est là, c'est right now, comme qu'on a dit tantôt, là, comme t'as dit, toi. Mm-hmm. Puis j'ai aimé aussi le fait que Winnipeg aille chercher Tyler Myers. Belle amélioration pour ce que là. Ouais, vraiment, là. Vraiment, mais sauf que Bufflin vient de se blesser. Pour vrai? Ouais, il est out pour est 2 out à 4 semaines, je pense. Pour un petit bout, là. Un mois peut-être. Puis moi, je pourrais dire aussi Nashville avec Cody Franson. Ouais, ils ont déjà une bonne défensive. Puis d'après moi, ils se sont vraiment armés. Dans l'Est, mettons, à part New York, une équipe, je pense que dans le Canadien, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Mais à part de ça, dans l'Est, il n'y a pas vraiment rien qui m'impressionne. Tampa Bay ont payé un prix de fou pour Brandon Coburn qui est comme magané, veut pas. Eisenman, premièrement, t'es pas un bon DG. Puis à part de ça, vraiment, je pense que c'est l'Ouest qui a volé la vedette à date limite des transactions. Il y a juste Anaheim, je mets, dans le fond, je m'en calais deux autres, là, mais ils ont cherché trois défenseurs à date limite des échanges. Trois défenseurs à s'adapter en 20 games, là, je pense que ça peut leur jouer un tour. Beaucoup de devs cette année qui ont été tradés, puis pas beaucoup de gros noms, en fait. Là. Non, il n'y avait rien, vraiment. C'est pas une année intéressante en termes de transactions, là, vraiment. Non, les joueurs autonomes, ça va vraiment être mauvais cet été, là, parce qu'il n'y a rien disponible, vraiment rien. Ça va être dans le fond, à écouter cet été, ça va être le repêchage, mais à part de ça, bref, gros repêchage, par exemple. On fera un épisode spécial là, là-dessus. Là. Oh. Ouais, on pourrait faire un épisode sur le patio. Ouais, puis on parlera, puis on connaîtra rien de ce qu'on va dire, puis ça va être de la merde. Êtes-vous en train de me dire que la bouteille de Jameson va réapparaître cet été? Ben là... Elle va réapparaître au moins en post-mortem. Moi, je peux juste dire une affaire, là, d'après moi. Il faut s'organiser de quoi, que ça va être une formule barbecue. Ben moi, je vous confirme que cet été, il va y avoir la jasette propulsée par Young Media qui sera diffusée à la place de la soirée du podcast. Là. Oh. C'est quoi? Ça reprend service? Ben oui, ben c'est... C'est annoncé le... tonight? C'est le podcast mythique. On le fait quand on peut, c'est-à-dire l'été, quand on n'a rien d'autre à faire que ça. Sur le balcon après 12-15 bières, là. Jeff va faire un tour là-dessus, là, puis il callera out du monde. S'il n'y a pas de règlement, dans le fond, tout est permis. Il n'y a pas de règlement vraiment à la soirée du podcast parce qu'il n'est pas très publicisé, puis ça va dans tous les sens de podcast. Mais jazzette, c'est, ouais, c'est... Ça brasse, là. It's a way of life. Ouais, c'est un style de vie, voilà. c'est un mode de vie, la jazzette. C'est spécial. Et puis, c'est très, très... Plus t'es beurré, mieux c'est. C'est très, très, très cela. Je dois le dire comme ça. Ouais, je dirais même que la jazzette, c'est une école de pensée. C'est un mode de vie, c'est un podcast mythique. Close the show. Ouais, ben il reste une question en fait, là, puis c'est encore de Mathieu Lamar qui veut savoir, trouvez-vous ça correct que les sortes de Buffalo font une vente de feu juste pour essayer d'avoir McDavid? Pas de banque de feu pour ben, c'est son commentaire à lui. Ils ont donné Newvert contre Chad Johnson. Torrey Mitchell, qui est un joueur quand même important dans leur profondeur, ils l'ont donné à Montréal. Écoute, c'est sûr et certain qu'ils veulent l'avoir, ils s'essayent, mais il ne faut pas oublier une chose. Mais mathématiquement, ils l'ont. Je sais. Non. Mais ils ont plus de chances. Le règlement a changé cette année, c'est une loterie. À cette heure, l'équipe qui finit dernier, ils ont 25% des chances de l'avoir. Ils n'ont pas 50%, ils n'ont pas 75%, ils ont 25% des chances de l'avoir. Mon feeling, puis malheureusement, Bettman va péter aux frettes à cause de ça, je pense que McDavid s'en va en Arizona. Ah, puis un autre point aussi pour venir à Mathieu Lamar, je pense que... Je pense que l'Arizona va repêcher McDavid. Tu parles de chances de 25%? Oui, bien sûr. Puis là, genre, tu parles d'une loterie, puis là, toi, en Jojo, ça va, Calis. C'est mon feeling. 25%, ils vont aller en Arizona. Une autre équipe, je pense, qui ont été gagnants pendant la limite des échanges, je pense que c'est l'Arizona parce qu'ils ont eu plusieurs shows au repêchage. Non, c'est vrai, c'est... Le repêchage, c'est une loterie. Puis moi, je prédis comme à mise au jeu là, avec la prédiction de marde que l'Arizona va repêcher Connor McDavid. Manquez pas la nouvelle loterie de l'Auto-Québec, la soirée du podcast. Faites des bêtes dans le vide de même. Je te le dis. On vient de casser Martin. Je sais pas pourquoi tu ris ici. Qu'est-ce que drôle là-dedans? Mort est cassé, ça y est. Ah ouais. Oh man. Fait que ça fait pas mal le tour du podcast, tout ça, je pense, là. À bout de quoi arrêter avant qu'on termine, les gars. Non, c'est bon. Fait que ça. Je comprends pas. Fait que ça fait le tour. Il est sous, Calis. Ben non, il prend son char, il est pas sous aussi. Fait que ça fait le tour de l'épisode 10 de la soirée du podcast. On se revoit dans deux semaines. À la prochaine, tout le monde.